Amis auditrices, amis auditeurs, le bonsoir pour cette émission de Mosaïque, qui est là je ne sais pas combienième, du 1er novembre 2019. Et bien ce soir au programme, découvrez Sacha. Ensuite, lettre ouverte, ce sera de la musique, hein. La revue de presse d'abord, la revue de presse. Ensuite, lettre ouverte d'un cheminot au cuisinier de l'Élysée. Ensuite, Clément Viktorovitch, la rhétorique des nations de Nadine Morano. La rhétorique de Nadine Morano. Ensuite, Daniel Obono de la France Insoumise parlera du racisme, réalité quotidienne. Macron, c'est moins de République, dit, affirme, raconte, explique Adrien Quatennens. Manon Oubry nous parlera du pot de départ pour Juncker. Juncker, alors là, elle a fait un petit discours qui ne fait pas honneur à Monsieur Juncker. Hein, Monsieur Juncker, vous savez, Luxembourg, les Luxembourg-Lix, tout l'argent qui fiche le camp dans les banques luxembourgeoises, au lieu de tomber dans les caisses de la Banque de France, enfin du fisc, du budget de la France. Hein, cet argent-là, il s'en va là-bas. Mathilde Panot, quelle question au gouvernement, hein, elle est aussi de la France Insoumise, Mathilde Panot, hein. Mélenchon, ceux qui ont vendu Alstom, ce sont des traîtres. Donc, Mélenchon affirme, ceux qui ont vendu Alstom, ce sont des traîtres. Michel Larive, question au gouvernement. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, voile, laïcité, pompiers, Syrie, Turquie, OTAN. Voilà, un beau programme, hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se réjouir, ou au contraire, ne pas être trop content, ni trop gai, voilà. Eh ben, j'ai quand même le culot de vous souhaiter une bonne nuit, malgré tout ça. Allez, au revoir. Une petite revue de presse. Gircourt-sur-Durbion, Arthur et Timéo. Ils sont nés tous les deux, apparemment en très bonne forme, si on regarde sur la photo, et leurs parents sont très contents. Ils sont nés à la maternité de l'hôpital Émile Durkheim à Épinal. Donc, il y a encore des maternités publiques dans les Vosges. Eh oui, la maternité de Remiremont, la maternité d'Épinal, et d'autres. Pourquoi donc aller dans le privé? Hein? Pourquoi? Alors, j'ai ramé toute ma vie pour ne pas sombrer. Gilles Latreille, chômeur lancéen, dont l'histoire a fait le tour des médias en 2016. Voilà. Gilles Latreille, le mot misère ne devrait pas exister. Surtout en France. Eh bien oui, mais ce monsieur, il devrait savoir que pour fabriquer un riche, il faut fabriquer 1000 pauvres. Eh oui, il faut prendre dans la poche des pauvres tout l'argent qui est nécessaire pour faire la richesse du riche. Et oui, l'argent, il vient pas de nulle part. Et bien sûr, hein. C'est facile de plonger. Le Lorrain n'a aucune peine à imaginer combien tomber dans la misère peut être rapide. Quand vous gagnez le SMIC, vous n'avez aucun moyen de constituer quelques économies. Le jour où vous perdez votre boulot, c'est très facile de plonger. Gilles Latreille fustige les discours insultants pour les chômeurs. Insultants. Il faut toujours se justifier, mais combien d'entreprises ne répondent pas à vos candidatures? Gilles Latreille est convaincu, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas près de s'éteindre, quoi qu'on en dise. Il montre le ras-le-bol actuel, Homme éborgné, 3 militaires placés en détention, c'est à Épinal. Michelin, l'inquiétude se fait sentir à Golbey. Un ancien nazi exprime sa peine, entre guillemets peine. Bruno Dey, ancien gardien du camp nazi, allemand, a assuré jeudi avoir eu de la peine pour les victimes d'atrocités à l'ouverture de l'un des derniers procès sur les crimes du Troisième Reich en Allemagne. Les crimes du Troisième Reich. Ceux commis en Allemagne et ceux commis un peu partout en Europe. Et dans l'Atlantique, par les sous-marins, les bateaux, les avions, etc. Un acte de guerre, c'est un crime. Quelqu'un, même lorsqu'il porte un uniforme, s'il tire sur quelqu'un qui lui a rien fait, c'est pas... C'est, Bon, bref. Voilà les vrais chiffres. Combien d'immigrés vivent en France et combien arrivent chaque année? Voilà la réalité des chiffres, alors que le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron se tient à l'Assemblée nationale. Alors oui, ben, il y a beaucoup d'immigrés. Et après la guerre de 14, il y a eu beaucoup d'émigrés, après celle de 39-45 aussi, avant la Révolution, après la Révolution, après la révocation de l'édit de Nantes, après la guerre des Gaules par Jules César et Vercingétorix, etc. Il y a eu des migrations, tout le temps des migrations, oui, à cause du travail, des épidémies, des mauvaises récoltes, etc. Vidéoprotection, la Ligue des droits de l'homme dit non merci. Eh oui. La Ligue des droits de l'homme n'est pas d'accord avec la vidéo, avec ce que l'on appelle la vidéoprotection. Enfin, ce que les marchands de caméras, etc., appellent vidéoprotection. Hein, protection, oui, protection peut-être. Mais bon, en Chine, ils font de la vidéoprotection aussi, hein, reconnaissance faciale, etc. Alors quand ils auront fini de mettre au point leur système, ils le vendront à nos gouvernements. Et il y aura peu de gouvernements qui refuseront. Eh ben oui. Saint-Gobain, les syndicats divisés face au rapport alarmiste du cabinet d'intelligence économique ADIT, la direction de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, tente de calmer le jeu. L'intersyndicale CGC, CFDT, CFTC dénonce la seule option retenue avec le projet de vente aux Chinois Xinjiang. La CGT évoque un parti pris anti-chinois. Macron, enfant de remplacement. Ah, Christian Jouvenot, né à Besançon, analyse dans un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan la personnalité d'Emmanuel Macron. Tombé du ciel, entre guillemets, tombé du ciel. Le psychiatre et psychanalyste éclaire ainsi la complexité d'un homme porteur de la vie et de la mort. Il faut lire Macron tombé du ciel. Dans un monde où la communication formate l'image, Christian Jouvenot nous offre un portrait au scalpel du psychanalyste d'un angle inattendu, celui de ses enfants dits de remplacement, ses enfants nés peu après la mort d'un frère ou d'une sœur aînée, comme pour Courbet, Dali, Van Gogh, Duras ou Claudel. L'affirmation de leur identité est une bataille de toute l'existence. On peut peut-être se faire du souci. On peut peut-être, enfin si on veut, si on peut. La caisse primaire d'assurance maladie dans ses nouveaux locaux, c'est à Miremont. Alors, l'ancien bâtiment de l'assurance maladie, rue du Capitaine Fleyel, a été vendu pour être transformé en école de musique intercommunale. Les locaux de la CPAM, caisse primaire d'assurance maladie, se situent désormais au premier étage de l'espace social Saint-Romaric, au 5 place Batardeau. Saint-Romaric. Tiens, Saint-Romaric. Est-ce qu'il y a des gens qui portent un voile? Hein? Est-ce qu'il y en a qui portent un voile? Est-ce qu'il y en a qui sont intégristes? Hein? Saint-Romaric, un bâtiment public. Saint-Romaric. Oh ben oui, tiens. Bon, pourquoi pas? Voilà. Alors, EPR de Flamanville, toujours plus cher, toujours plus en retard. Pour réparer les soudures du réacteur nucléaire EPR de Flamanville-Manche, EDF compte utiliser des robots, une opération qui alourdit la facture du chantier pour atteindre 12,4 milliards d'euros et retarde son démarrage à fin 2022. On n'en finira jamais. Alors, la seule façon d'en finir, ce serait d'arrêter le chantier, parce que il coûte de plus en plus cher et il marche de moins en moins. L'organisme inter... enfin, ça se trouve aussi bien que ça marche jamais. Parce que ça va être hyper, hyper dangereux. Rappelez-vous, Fukushima, Tchernobyl, et voilà. L'organisme intergouvernemental de lutte contre les sectes, la Miviludes, est en passe d'être amputé d'une partie de ses effectifs et intégré au ministère de l'Intérieur. Les associations sont vent debout contre cette décision. Les salariés de Michelin craignent le pire. La page sur les annonces légales, Vosges Matin du 14 octobre 2019. Eh bien, il y a eu 27 liquidations, 27 fermetures d'entreprises. Hein? 27. Alors ça va faire des chômeurs encore des chômeurs, encore des gens qui ne pourront plus rien acheter dans les magasins, ou le minimum du minimum, qui n'auront plus d'avenir, et leurs enfants encore moins. À ceux qui fabriquent le chômage, ce sont des criminels. Il faudra un jour les punir en tant que criminels. Et ces gens-là, comme ils sont partisans de la plus cruelle fermeté, eh bien, il va falloir leur appliquer leur propre système. Eh oui. Rappelez-vous, le plus bel article de la Constitution de 1793, c'était l'article 35 qui disait ceci: lorsque le peuple n'obtient pas la justice, il a le droit et l'impérieux devoir de faire justice lui-même. La colère, elle est question après les meurtres de Paris. L'indignation et le sentiment qui animent l'électeur concernant les meurtres perpétrés à la préfecture de police de Paris, l'acte en lui-même est dénoncé, mais aussi les faiblesses du système de contrôle. Certains ajoutent le couplet complotiste et populiste. Ouais. Du temps que les policiers sont occupés à taper sur des manifestants pacifiques, ben pendant ce temps-là, ils font pas le métier pour lequel ils sont normalement payés. C'est-à-dire que nous autres, les contribuables, nous payons des gens à faire un métier qui n'est pas le leur. Voilà, ils font le contraire de ce qu'il faudrait. Le plastique, à en faire une ressource, c'est pas un déchet. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Ben oui, comme avec tous les déchets, on arrive à faire quelque chose. Avec le fumier, le lisier, on arrive à faire du gaz et du compost. Ah oui. Poursuivre le combat contre le tabac et l'alcool. Professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Ben oui, la prévention. La prévention, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui rapporte le plus et ce qui est le plus efficace pour notre santé. Alors, CNews offre une vitrine à Zemmour. Le polémiste définitivement condamné pour provocation à la haine religieuse sera, à partir de lundi, à l'antenne de CNews, 4 jours par semaine. Une aubaine pour l'essayiste d'extrême droite. Alors, après ça, si on s'étonne que Adolf Hitler s'est présenté vainement aux élections de 1932, mais qu'il s'est représenté en 1933, et que cette fois-là, il a été mis au pouvoir, et avec toutes les conséquences que l'on connaît, hein, 60 et quelques millions de morts, peut-être 70 millions, hein, on est incapable de donner le chiffre exact, incapable, bah, bien sûr. Hein, voilà. Alors, Dupont de Ligonnès, bon, bah, Dupont de Ligonnès, c'était pas lui. Mais ça tombait bien, cette histoire de cette fausse alerte sur Dupont de Ligonnès, ça a permis d'éviter de parler d'autre chose. Eh oui, ça s'appelle un cache-sexe. Les ballons de la colère, des soutiens, des urgences. Après 123 jours de grève, les urgences de Remiremont ont une nouvelle fois mobilisé leur soutien ce samedi dans les rues et l'hôpital de la commune. Un rassemblement timide qui a attiré près de 300 personnes. Timide. Ah oui, parce qu'on aurait pu être 3 000. Ou 30 000. Ah oui, on aurait pu être beaucoup plus nombreux, parce que des gens qui ont besoin à un moment ou à un autre de l'hôpital, eh bien nous sommes nombreux à être dans ce cas. On peut dire que 100% de la population est concernée par la bonne santé de l'hôpital et de son matériel et de ses locaux et de son personnel. Eh oui, si le personnel n'est pas en bonne santé, comment voulez-vous qu'il nous soigne? Hein, ils auront du mal. Avec toute la meilleure volonté du monde, ben ils pourront pas. La radio, un média insubmersible, avec ses émissions cultes et ses stars du micro, la radio a marqué le XXe siècle. Aujourd'hui, elle poursuit sa mutation, emprunte de nouveaux canaux de diffusion et explore des formats inédits. Alors, l'arrivée du numérique a accéléré la fragmentation des audiences et la diversification des usages. Alors, fragmentation des audiences, c'est très mauvais. C'est pas bien. Et diversification des usages, ça c'est peut-être positif quand même. Hein. La radio a ceci de particulier qui la différencie de la presse écrite ou de la télévision. Il est possible de l'écouter en faisant autre chose. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Suite au droit de retrait qu'ont utilisé les conducteurs et les contrôleurs de la SNCF depuis le 18 octobre, après un accident qui a fait quand même plusieurs blessés, dont le conducteur de train, le chef cuisinier de l'Élysée, qui s'appelle Guillaume Gomez, a trouvé très intelligent de faire un tweet que je vais vous lire et dont je vous mets la photo. Le tweet est depuis effacé. Il a été supprimé très rapidement. Donc Guillaume Gomez dit « Plus de train, merci. Même plus de colère, tellement vous nous habituez à être pris en otage par les feignants. Je vous souhaite quand même de vous casser le petit orteil. » J'ai trouvé ce matin une réponse d'un monsieur qui s'appelle Guy Hervy et qui est cheminot retraité. Sa lettre ouverte a été publiée sur son compte Facebook, donc je vous la lis. Lettre ouverte au cuisinier de l'Élysée. Monsieur, dans un entretien paru dans le Figaro du 3 mai 2017, vous aviez alors déclaré en entrée en matière « Je ne sauve pas des vies, je ne fais que cuisiner ». 2 ans et demi plus tard, vous prenez le temps de tweeter, même plus de colère, tellement vous nous habituez à être pris en otage par les feignants, je vous souhaite quand même de vous casser le petit orteil. Voyez-vous, monsieur le chef d'une équipe d'une trentaine de personnes qui fournissent en moyenne 2 500 repas par jour, ces feignants que vous stigmatisez ont la charge de la sécurité de plusieurs millions de personnes par jour. On fait le ratio et on hiérarchise les normes de priorité. Ces feignants, comme vous dites, exercent leur droit de retrait parce que l'un d'eux, lui, vient de sauver des vies alors que blessé et ayant été mis dans une situation qui, par choix de gestion, fait par la main que vous alimentez mais qui vous nourrit, ont installé une situation accidentogène qui n'est pas locale mais bien générale et survient après de nombreuses alertes antérieures que vos rationnaires se refusent à entendre. Il vous paraît donc normal de disposer du personnel suffisant pour cuisiner truffes, foie gras ou étaler le caviar sur les canapés avant de servir poularde et chapon. Pourquoi pas compenser la tragique disparition des homards du boulevard Saint-Germain en leur assurant résurrection sur les tables dressées entre les avenues du Coq et de Matignon. Mais vouloir que 2 personnes au moins assurent la sécurité des usagers dans un train, que les gares soient ouvertes aux activités de sécurité des circulations et des usagers, dont peut-être certains de ceux qui vous font les pluches, est une exigence exorbitante, ne venant que de privilégier fainéants. Sachez, pendant que vous goûtez les sauces, que les agents des gares, des postes ou roulants, travaillant en posté et décalé, se nourrissent de sandwichs et ne peuvent bénéficier d'une vraie restauration collective, tant les politiques portées et réalisées par ceux que vous gavez ont raboté les budgets des activités sociales de la SNCF. Ce n'est pas à l'Élysée que les troubles de l'appareil digestif ou et musculosquelettique liés aux conditions de travail sont légion. Ce n'est pas sur votre lieu de travail qu'il faudra à tout prix et avec des outils défaillants empêcher, grâce aux régulateurs, aiguilleurs, conducteurs, contrôleurs, agents de l'exploitation, qu'un incident ne dégénère en catastrophe. Sachez, monsieur le chef des cuisines du château, que pendant qu'avec 28 subordonnés, installé confortablement dans votre ultra-performant laboratoire à purée anti-atomique et anti-sismique, en un an, le double de votre effectif a été poussé au suicide par les choix portés par le petit marquis et sa cour que vous adulez et régalez. Sachez que les économies sur le personnel, la qualité et l'entretien du matériel à la SNCF installent un contexte accidentogène qui s'est concrétisé le 16 octobre et qu'à partir des étages sis au-dessus de votre tête, on travaille à réprimer au lieu d'écouter ce qui exige pour tous les usagers les moyens de la sécurité des circulations. Avec le soutien de ces usagers quotidiens du service public, intervention qu'avec votre diatribe vous travaillez à empêcher, si les cheminots ne parviennent pas à tordre les choix faits par d'autres, usagers quotidiens des tapis, tables et vaisselles bénéficiant de votre art, il y aura des morts. Et parce que les cheminots ne resteront pas sans réagir, vous pourrez, une nouvelle fois, faire jaillir ce qui, au final, ressemble à de la haine. La bile et son haleine fétide rendent impossible une cuisine de qualité. Monsieur, celui qui écrit ce message, considère que la cuisine est un art à qui on doit respect pour ceux qui l'exercent. Il ne peut donc avoir que mépris pour le chef, fût-il meilleur ouvrier de France, de la Cambuse officielle, quand celui-ci use du prestige de son col tricolore pour mépriser ainsi le monde du travail. Maîtriser son art est une chose, s'en servir avec intelligence en est une autre. L'actualité éclaire le champ des possibles. On peut être prix Nobel de littérature et soutenir des génocidaires. Alors, pourquoi pas meilleur ouvrier de France, et pour n'être que le regrattier des idérances. Le bon usage exige de conclure par une formule de politesse, j'aurais celle d'en rester là. C'est signé Guy Hervy, cheminot retraité, ancien conducteur de route à la SNCF, passionné par l'art culinaire et de le faisant partager avec convivialité. Alors, je vais t'expliquer. Clément, il analyse la rhétorique des gens et des fois, il passe des matinées exceptionnelles. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Mais j'ai passé un très bon moment, Mouloud, puisque j'ai écouté Nadine Morano au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors, 22 minutes d'interview, ça laisse le temps de rentrer dans tous les sujets importants du moment. Et donc, ils ont parlé successivement d'islam, de voile, d'immigration et de terrorisme. Original. Cela dit, l'interview avait plutôt bien commencé. Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser les musulmans. Est-ce qu'il a raison de le faire ? Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. C'est pas le sujet. Bon, donc on est plutôt rassuré, n'est-ce pas, Nordine Morano ? Comment, oui. Monsieur Bourdin ? On a vécu pacifiquement avec les gens qui étaient de culture musulmane. Est-ce que réclament les musulmans ? Je vous montrerai les témoignages qu'on m'a envoyés. Vous ne vivez plus pacifiquement avec l'immense majorité des musulmans ? Vous vivez pacifiquement ? Je vous pose avec la question. Avec l'attentat de Charlie Hebdo, avec le Bataclan, vous n'avez pas peur quand vos enfants vont sur une terrasse de café de savoir s'ils vont revenir vivants ou assassinés ? Alors, ça semble assez brutal. Ça l'est, hein. On atterrit sur cette séquence sur un énorme appel aux émotions. Vous n'avez pas peur quand vos enfants sont sur une terrasse de café. Mais en réalité, il y a quelque chose d'assez subtil dans cette séquence, c'est que Nadine Morano utilise un outil rhétorique qu'on appelle l'implicite. L'implicite, ça a été bien défini par un linguiste français qui s'appelle Oswald Ducrot. Il nous dit, c'est dire quelque chose sans prendre la responsabilité de l'avoir dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Eh bien, c'est exactement ce que fait Nadine Morano ici. On lui pose une question sur les musulmans. Elle répond sur le terrorisme. C'est évidemment une manière de lier les deux questions, d'associer l'ensemble des musulmans d'une part au terrorisme d'autre part. Mais ça, elle ne le dit jamais clairement et donc on ne peut pas vraiment lui reprocher. C'est diaboliquement habile, mais c'est habile néanmoins. Cela dit, il y a pire. Regardez ce qui se passe quand on parle à Nadine Morano de la femme voilée qui a été prise à partie par Julien Odoul au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi était-elle là ? Elle était lors d'une sortie scolaire. Et pourquoi était-elle là ? Bah écoutez, c'est pas moi qui ai organisé sa venue. Non mais pourquoi était-elle là ? Eh ben, j'ai pas organisé sa venue, je vous dis. Parce que l'enseignant de l'école de son fils lui a demandé de venir parce qu'il manquait de parents d'élèves pour que les enfants de la classe puissent assister à cette séance. Mais ils ne savaient pas que ça allait provoquer un incident. Alors, vous parlez de 10 jours après, on assassine 4 policiers alors qu'il y a des orphelins qui pleurent. Là, on nous parle des larmes de ce gamin. Non mais il faut pas exagérer. Bon alors là, en fait, on a exactement le même procédé. On atterrit sur un appel aux émotions, la référence aux orphelins en pleurs. Ce qui sert à quoi ? À masquer le reste du raisonnement. Et le reste du raisonnement est simple. La question portait sur une femme voilée. Nadine Morano répond en invoquant immédiatement le terrorisme. C'est une manière de lier les deux questions. L'implicite, c'est de dire que le voile, c'est faire la promotion du terrorisme. Mais ça, là encore, elle ne le dit jamais clairement. Cela dit, il y a pire. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on évoque une famille qui, selon elle, voudrait scolariser leur fille dans une école coranique. Le hijab. Qu'est-ce que le hijab ? Le voile, vous savez. Ils voulaient scolariser leur fille dans une école coranique pour qu'elle puisse porter le voile. Yeah. Voilà ce qu'on a en France. Yeah. Voilà ce qu'on a en France. Alors, vous avez bien entendu, voilà ce qu'on a en France. Là, il faut revenir à la grammaire française, hein, tout simplement. Pronom relatif neutre, ce que, qui ne peut se rapporter qu'à une chose, jamais à une personne. Ici, voilà cette famille musulmane qui a été littéralement, grammaticalement, déshumanisé. Cela dit, il y a pire. Il y a pire. Oh non. Regardez ce que dit Nadine Morano quand on lui demande ses propositions sur le sujet de l'immigration. Aujourd'hui, vous savez très bien que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, on les applique pas. Bon. Je renverrai tous ceux qui sont en situation illégale et tous ceux qui grouillent dans nos pays. Alors on n'entend pas bien, hein, donc on va répéter, tous ceux qui grouillent dans notre pays. C'est une métaphore, le verbe grouiller, ça se dit surtout d'une masse d'animaux informes, indénombrables, et pas les animaux les plus sympathiques. Ce qui grouille généralement, c'est les rats ou les cafards. Voilà donc, dans le discours de Nadine Morano, les immigrés qui se voient, métaphoriquement, déshumanisés. Bref, heureusement que Nadine Morano avait commencé son interview en disant que... Mais personne ne veut stigmatiser les musulmans. Voilà. Merci Clément. Merci. Black M, une réaction ? Une réaction ? Ouais. Je suis fils d'immigré. Je suis musulman. Ma belle famille, c'est des juifs. J'ai un beau-frère. Le morceau que j'ai sorti, c'est un Antillais. C'est ça la France. nombreuses et variées avec Daniel Obono. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La France Insoumise. Peut-être une première réaction d'actualité concernant ce mouvement de grève inopiné qui touche la SNCF. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous soutenez le mode opératoire avec beaucoup de témoignages qui nous arrivent de gens qui se retrouvent complètement perdus, là, sans train, avec des trains supprimés au dernier moment? Je pense que si les agents se sont mis en grève de manière inopinée, c'est que c'était leur dernier recours et leur dernière manière, la seule manière d'interpeller la direction par rapport aux raisons qui les poussent à se mobiliser. Et je pense que les salariés, quand ils sont en grève, ne le font jamais de gaieté de cœur, parce qu'ils ont à cœur leur travail, justement. Et je pense que à la SNCF, depuis plusieurs années maintenant, on a vu la mobilisation des cheminots il y a quelques temps. Il y a des conditions de travail, il y a de la souffrance, et il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de la direction. Et donc, je pense que, voilà, une grève, c'est un moyen, un dernier recours d'interpeller et... C'est ce qui explique, je pense, le caractère inopiné de ce qui s'est passé. Mais plus largement, je crois que ça met en danger, effectivement, la République, parce que ce n'est pas ça, la France. Et je crois, au-delà de Monsieur Macron, c'est chacun et chacune, c'est chaque citoyen, ce sont les responsables politiques qui se sont comportés, pour beaucoup d'entre eux, de manière assez irresponsable, en perpétuant des amalgames. Et au-delà, vous dites, nos renoncements, notre lâcheté collective en tant que citoyen, tout un chacun, c'est ça. C'est la société dans son entier qui est islamophobe, qui est raciste un peu. Je pense qu'il s'agit d'une interpellation pour se ressaisir collectivement. Après, moi, en tant que parlementaire, et si je l'ai signé, c'est parce que je suis une élue de la République, et je pense qu'il est de ma responsabilité, justement, de garantir le respect du droit, de la loi. Et je crois que, fondamentalement, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est qu'il y a une responsabilité politique extrêmement grave dans la perpétuation des amalgames, des stigmatisations. Et c'est là où, en interpellant le chef de l'État, c'est la majorité aussi qui est interpellée, et c'est ceux qui ont le pouvoir de faire cesser ces discriminations et qui font le contraire, de mon point de vue. Et c'est ça qui est très grave. Vous pensez peut-être à Jean-Michel Blanquer, qui a qualifié cette tribune de communautariste. Oui, enfin, malheureusement, je ne suis plus guère très surprise par les propos de Monsieur Blanquer. Je pense que c'est extrêmement grave. Quand on sait l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'éducation nationale, la mobilisation depuis des mois de ces personnels, de ces agents, à quel point tous et toutes ont été mobilisés contre sa mauvaise, très mauvaise réforme de l'école. Vous rappelez, il y a quelques semaines, le suicide d'une directrice d'école à Pantin, qui expliquait la souffrance qu'elle ressentait, et que ce personnage aujourd'hui utilise comme ça des boucs émissaires pour faire oublier son bilan catastrophique. Je pense que c'est extrêmement grave, mais malheureusement pour vous, c'est un contre-feu. Pour vous, c'est une diversion? Non, je ne crois pas que ce soit une diversion, parce que le racisme n'est pas une diversion. D'abord, ça ne l'est pas pour les personnes qui le subissent. C'est une réalité quotidienne. Et donc, parler de diversion, ce serait une manière d'atténuer ce que ça signifie comme violence. Je pense que c'est la déclinaison d'une politique, malheureusement, celle de la majorité. Monsieur Macron l'a dit, début septembre, il veut faire des prochaines années un duo constant avec l'extrême droite, avec Marine Le Pen. Nous avons tout d'abord eu l'imposition de ce débat. Un duel plutôt qu'un duo, peut-être. Moi, je pense malheureusement que c'est un duo, parce que il le dit lui-même à sa majorité, début septembre, c'est le seul moyen qu'il trouve pour se retrouver, qu'il espère se retrouver au deuxième tour de l'élection en 2022. Ce sont ses mots, ils n'ont jamais été contredits. Et donc, on a depuis une structuration du débat politique, une tentative d'enfermer le débat politique dans des thèmes propices pour l'extrême droite, parce que ça permet de les légitimer et ça permet de se poser en rempart. C'est extrêmement dangereux, d'abord parce que ça réduit la démocratie à des positionnements qui ne sont pas aujourd'hui, que ce soit Monsieur Macron ou Madame Le Pen, ce n'est pas ça que se réduit une démocratie. Il y a une diversité de points de vue, et le débat démocratique nécessite de les faire entendre. Et c'est pour ça que, quand médiatiquement ce sont les seuls sons de cloche qu'on entend, c'est extrêmement grave. Et puis parce que le danger de l'extrême droite, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la stigmatisation, c'est la haine, ce sont des violences. Encore une fois, physique, réelle, quotidienne. Et ça, je pense que la majorité en est aujourd'hui responsable. Et j'espère qu'ils vont entendre les interpellations, qu'ils vont entendre les mobilisations qui se construisent, pour qu'ils changent de cap et se confrontent à la vraie politique, c'est-à-dire au bilan catastrophique de leur réforme et entendent les interpellations nombreuses des urgences, des pompiers, des gilets jaunes pour changer leur politique. J'ai aussi envie de vous entendre, et il nous reste peu de temps, en tant que parlementaire, sur le déplacement de Jean-Yves Le Drian. Faut-il, oui ou non, rapatrier les djihadistes français qui sont actuellement dans les geôles en Irak ou en Syrie? Je pense que déjà la situation, on l'a vu avec l'invasion par la Turquie du territoire syrien, est extrêmement instable et peut, avec ce genre de la doctrine française, c'est voilà, on les juge là-bas. Est-ce que oui ou non, il faut les rapatrier? Je pense parce que on veut leur éviter, par exemple, la peine de mort. Je pense qu'il y a une responsabilité de notre. Ce sont des ressortissants français. Et donc, ils doivent répondre devant la justice française de leur acte. Il y a besoin de mettre, y compris, plus de moyens pour être en capacité de pouvoir faire en sorte que la justice soit rendue, que ces personnes soient incarcérées pour leurs actes, que ces incarcérations se passent dans des conditions qui, à la fois, respectent les droits humains, mais permettent de garantir la sécurité du pays. Et donc, je crois... Encore une fois, on l'a vu, il n'y a pas de garantie dans des pays extrêmement instables que ces personnes restent restent emprisonnées là où ils sont. Et donc, à un moment donné, nous allons être confrontés à cela. Et je pense qu'il faut s'y préparer. C'est quelque chose, en tant que commissaire aux lois, en plus, qui est travaillé sur ces questions, sur lesquelles on est très attentif. Mais il faut donner les moyens à la justice de rendre justice et de faire en sorte que les personnes qui constituent un danger pour la société restent emprisonnées, mais que leurs droits, puisque on est dans un état de droit qui n'applique pas la peine de mort et qui croit aux libertés, aux droits démocratiques, que tout cela soit respecté. Merci beaucoup Daniel Obono, député de la France Insoumise, d'avoir été avec nous sur France Info ce matin. La météo. Pas un parti d'ailleurs, France Insoumise, un mouvement. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. Direction Mayotte, si vous voulez bien, où Emmanuel Macron a défendu hier son plan de sécurité dès son arrivée, en plus du plan de développement. Et il s'est réjoui, entre guillemets, des 24 000 reconduites à la frontière depuis janvier, pour lui un signe d'efficacité. Une politique justifiée, dit-il, par la présence importante électoralement du Rassemblement national. On écoute. Vous avez vu les chiffres du Rassemblement national ici. Vous avez vu la difficulté économique, l'habitat insalubre. Ça, c'est une résultante. C'est que les Mahoraises et les Mahorais disent si vous laissez l'immigration clandestine, à ce moment-là, il n'y a plus de règles. À ce moment-là, comment moi je fais pour vivre? Comment moi je fais pour... Donc il faut toujours garder des équilibres. Et donc oui, on doit se battre contre l'immigration clandestine. On doit se battre contre l'immigration clandestine aussi pour faire pièce aux succès électoraux ultramarins du Rassemblement national. Il a raison. Mais d'abord pour ça, selon Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on le voit bien, y compris dans le débat sur l'immigration qu'il a lui-même instillé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en réalité tout ça ne sert pour lui qu'à mettre en scène son duel avec Marine Le Pen. Non, la réalité de la situation de l'immigration, c'est d'abord que les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité, mais qu'il faut pouvoir organiser un peu tout ça. Alors à Mayotte, c'est vrai, il y a une situation qui est particulière. Vous y êtes allé, pardon, à Mayotte? Vous non, je n'y suis pas allé, mais je sais qu'il y a une situation qui est toute particulière là-bas, notamment sur les titres de séjour qui sont délivrés. Vous savez qu'ici, en métropole, quand on vous délivre un titre de séjour, vous pouvez circuler sur tout le territoire et y résider. À Mayotte, c'est différent, vous êtes en quelque sorte bloqué sur place. De la même manière, il y a la limitation du droit du sol qui a été votée lors de la loi asile-immigration, qui peuvent provoquer parfois des spécificités à la situation mahoraise. C'était une bonne initiative parlementaire. Non, moi je crois que, si vous voulez, le problème de l'immigration, c'est que Emmanuel Macron, dans le débat politique, le traite toujours avec un angle mort qui, moi, me paraît considérable. C'est que plutôt que de gérer les flux, comme il le dit lui-même, en quelque sorte, c'est-à-dire, en gros, on se félicite de reconduite à la frontière, jamais on ne pense, finalement, les causes profondes des mouvements de population. Pourquoi les gens partent? Non, mais attendez, c'est essentiel. Je termine rapidement, mais si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, c'est incontestable, il y a un particularisme à Mayotte. 50% de la population est étrangère, 25% est clandestine. À cette réalité-là, qui est très différente de celle de la France métropolitaine, est-ce que cette politique de reconduite à la frontière n'est pas justifiée? Je crois, Yvette Martichoux, qu'une part de la réponse, et c'est l'absence dans le prisme d'Emmanuel Macron, se situe en amont. C'est que les principales, disons, routes migratoires ayant été fermées, c'est finalement, pour beaucoup de gens, en tout cas ils le croient, le recours pour pouvoir ensuite passer en métropole ou en Europe. Sur la situation de l'immigration de manière générale, ce que je veux redire, et c'est tout à fait applicable à la situation mahoraise qui est particulière, je vous l'ai dit, c'est que les mouvements de population ont des causes. Les gens ne quittent pas leur territoire d'origine de gaieté de cœur. Et sur ces causes, eh bien, nous avons souvent des responsabilités, qu'il s'agisse des accords commerciaux inégaux qui ruinent les capacités de développement des pays d'origine. Les gens ont envie de pouvoir vivre et travailler chez eux au départ. Et souvent, ils sont poussés à sortir pour des raisons économiques. Il y a aussi, bien sûr, des conflits. Et enfin, et j'alerte là-dessus, Martichoux, c'est que le GIEC, quand il nous parle de changement climatique, nous dit aussi que le changement climatique va pousser des gens à quitter leur pays. Vous savez, 2 degrés de réchauffement climatique, c'est potentiellement 290 millions de personnes qui, je vous demande d'y réfléchir, ne vont pas choisir de quitter leur territoire. Mais ne vont pas avoir d'autre choix. Voilà. Donc il faut agir en amont et ensuite, effectivement, organiser l'accueil. Aujourd'hui, l'accueil, il est trop anarchique, y compris en Europe. Une petite question encore. Vous m'avez dit à l'instant, la limitation du droit du sol qui a été votée dans la loi Gérard Collomb, c'était pas ma tasse de thé, vous n'étiez contre, fondamentalement. Donc la suspension du droit du sol. Marine Le Pen a répété hier que tant qu'il n'y aurait pas de suspension du droit du sol à Mayotte, il n'y aurait aucun résultat pour la population locale. Non, je crois que ça n'est pas la solution. Il faut pouvoir l'organiser, y compris l'organiser avec la métropole, avec l'Union européenne. Le problème que nous avons... Non, ça c'est pour vous, mais c'est exactement de la même manière que le règlement de Dublin en Europe. Regardez, on a un devoir d'humanité dans l'accueil des personnes qui se déplacent. Le problème, par exemple, alors c'est le cas pour Mayotte, mais c'est le cas aussi dans l'Union européenne, c'est que souvent, les pays ou les zones qui, d'un point de vue frontalier, sont les premières, en quelque sorte, doivent porter tout l'effort sur leur dos. Non, ça n'est pas possible. Il faut pouvoir organiser. Nous avons un devoir d'humanité à organiser et un effort à se répartir, d'une part. Et ensuite, et je vous dis que c'est l'impensé systématiquement concernant les politiques migratoires, se rappeler qu'il y a des causes au fait que les gens aient à se déplacer et que malheureusement en France, et je vous le dis, y compris à l'Assemblée, on ne peut jamais débattre. Emmanuel Macron, mais et Marine Le Pen, malheureusement, mais évidemment, malheureusement, je le regrette. Moi, vous voyez, je voudrais qu'on puisse traiter les problèmes rationnellement, et y compris en pensant, c'est cette manière de dire comment on règle les causes des départs. En plus du devoir d'accueil et de comment on organise, comment on règle les causes du départ. Dans le débat à l'Assemblée, c'est l'angle mort permanent. On considère que finalement, les gens partent, on ne sait pas bien pourquoi, ça ne nous intéresse pas. Si nous avons des responsabilités, il faut pouvoir organiser tout ça et rappeler que souvent, migrer est une souffrance et que nous avons un devoir d'humanité à organiser. Adrien Quatennens, la SNCF. L'entreprise a fait marche arrière, elle renonce à poursuivre en justice les cheminots qui ont fait valoir leur droit de retrait le week-end dernier, la SNCF considérant que c'était une grève sauvage. Bon, c'est un geste d'apaisement de l'entreprise. Mais c'est surtout le geste de compréhension de ce qui s'est produit réellement. On a vu encore hier la ministre du Travail très mal citer le Code du Travail en disant qu'un droit de retrait, il fallait que le danger soit... grave et imminent. Pardon, en réalité, il faut que la... qui dira, oui, bien sûr, mais le Code du Travail, en l'occurrence, moi, je le connais un peu, et je peux vous dire que le Code du Travail, ce qu'il dit, c'est pas que le danger doit être grave et imminent, c'est que la perception du danger, selon le salarié, fait qu'on peut considérer que la situation est grave et imminente. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de cet accident qui a eu lieu vendredi dernier, il y avait 70 personnes dans ce TER qui a connu dans les Ardennes une collusion avec un camion, et il faut saluer, moi, je pense que ce cheminot pourrait être décoré, parce que il était seul dans le train. Décoré par Emmanuel Macron. Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on est parfois tout à fait prompt à décorer lorsqu'il y a eu des actes héroïques qui ont été réalisés. Moi, j'estime qu'un cheminot qui était seul dans son train, avec 70 personnes à bord, 11 blessés, dont lui, et qui a y compris été jusqu'à sécuriser le parcours sur 1,5 km en se déplaçant sur les rails lui-même, je crois que ça mériterait effectivement d'être considéré. Un hommage à la nation. Évidemment, évidemment. Et puis dire une chose, c'est qu'on ne peut pas se contenter de cette situation. Ça veut dire, et d'ailleurs l'inspection du travail l'a dit, Elisabeth Martichoux, c'est que oui, le droit de retrait quelque part est justifié dans la mesure où on voit bien le danger que fait courir aux usagers comme aux agents de la SNCF. Le fait qu'on puisse imaginer, vous le saviez vous que dans un train, il pouvait y avoir parfois qu'une seule personne, le conducteur, comme agent de la SNCF. Une inspectrice du travail l'a dit, deux inspecteurs du travail l'ont dit, la direction de l'inspection du travail, si je puis dire, a contredit le discours des deux inspectrices. Et Muriel Pénicaud hier, si vous me permettez, juste en écoute, sur France Inter, elle a dit, pas de sanctions, mais retenue sur salaire, oui, c'est la loi, écoutez. Quand on est en grève, on n'est pas payé, et donc la SNCF a engagé les retenues sur salaire de ceux qui ont été grévistes. Et vous trouvez ça normal ? Ah ben c'est l'application du droit. C'est l'application du droit. C'est l'application du droit concernant le droit de grève, mais vous comprenez bien que le débat juridique, il a lieu dans le fait de savoir s'il s'agit d'une grève. Donc le gouvernement considère qu'elle est une grève sauvage, surprise. Elle a raison de dire ça. Elle considère que c'est une grève, donc elle est dans son rôle. Oui, mais moi je considère, comme certains inspecteurs du travail, qu'il s'agit d'un droit de retrait et c'est bien différent. Et le débat est en cours, il n'a pas été... Le débat essentiel, et je crois que comme peut-être usagère de la SNCF, vous pouvez vous prononcer, c'est que est-il acceptable qu'en tant qu'usager, vous montiez dans un train où il n'y a qu'un agent. Et on voit bien les risques que cela peut faire encourir, soit aux agents, soit aux usagers. Et vous savez, tout ça, c'est aussi le fruit de toutes ces politiques d'ouverture à la concurrence, etc., qui font qu'on comprime les budgets. Vous savez, alors faire des économies, ça n'est pas une bonne politique. Guillaume Pépi quitte la direction de la SNCF le 1er novembre, Adrien Quatennens. Et son successeur, Jean-Pierre Farandou, va donc arriver à son poste. Qu'est-ce que vous dites à M. Farandou ? Ce serait bien, en arrivant... Justement, de ne pas crisper l'entreprise par des retenues de salaire, ce serait un geste auquel vous l'encouragez ? Évidemment, j'espère qu'il est là pour autre chose que d'accomplir simplement cette basse besogne de l'ouverture à la concurrence et de ce que ça va générer sur la SNCF et ses agents. Vous savez, dans la période, nous avons besoin de services publics forts. Je crois que le délitement de l'État républicain auquel nous assistons, il est aussi le fait d'une disparition, d'un recul, d'une dégradation des services publics. S'agissant du rail, bien évidemment, on peut parler de la sécurité des usagers, c'est ce qu'on vient de voir avec cette situation et cet accident, mais on peut parler aussi d'écologie, Martichoux. Quand on voit par exemple qu'on a été jusqu'à remplacer des lignes de chemin de fer par des camions dans une période où on explique qu'il y a une situation de crise climatique. On se dit qu'on marche peut-être, oui, mais on marche sur la tête quand même. Train de Rungis, effectivement, notamment. Ou des marchandises qui circulaient sur des rails avec le fret ferroviaire se retrouvent maintenant dans les cargaisons de camions. C'est crispé à la SNCF. Est-ce que cette action syndicale qui a été menée notamment par la CGT est un avertissement pour le gouvernement sur les retraites? Mais évidemment, parce que la colère au sein de la SNCF. Donc c'est aussi un avertissement mais en tout cas, adressé au gouvernement. Ça participe d'un rapport de force, mais d'ailleurs le gouvernement ne s'y est pas trompé. Pourquoi croyez-vous que Édouard Philippe est descendu dans l'arène en première ligne? Bah, évidemment parce qu'il essaye de faire une démonstration, c'est-à-dire que on crée une ambiance. Écoutez, comme Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas de majorité dans ce pays, en tout cas de consentement majoritaire dans le pays pour appliquer leur politique, ils n'ont plus qu'un choix, vous en quelque sorte. Ils ont une forte majorité à l'Assemblée. Certes, d'un point de vue institutionnel, c'est incontestable. Ouais. J'en sais quelque chose pour siéger en l'opposition. Mais en tout cas, on voit bien dans le pays, y compris au vu du nombre de mobilisations sectorielle que nous avons, y compris de la crise importante qui n'est pas terminée, qui est celle des gilets jaunes, eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas de consentement majoritaire pour s'attaquer aussi fondamentalement à ce qu'est quelque part la France. C'est-à-dire notre pays. Le gouvernement est minoritaire. Le gouvernement est, du point de vue idéologique, minoritaire dans le pays, ça j'en suis sûr. Il est majoritaire d'un point de vue institutionnel, mais il n'y a pas de majorité pour cette casse, finalement, de l'État républicain dans tous ses domaines, régaliens, services publics, voilà. Et donc, le 5 décembre, en quelque sorte, peut-être un point de jonction et de convergence, parce que jusqu'à présent... jusqu'à présent, ce que je vois, c'est que sur la table, il y a plein de secteurs qui sont mobilisés, et qui ont souvent, d'ailleurs, moi je le vois, puisque je circule de secteur en secteur, qui ont souvent des socles communs très forts, des mots d'ordre communs, sur le fait de dire, il nous faut un État fort qui puisse protéger, organiser, et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, convergence des luttes, comme on dit, pour une grève illimitée, donc une paralysie du pays. En tout cas, vous savez... C'est ça que Elisabeth Marchichou. Non, moi ce que je souhaite c'est que l'État fonctionne, ce que je souhaite c'est que les services soient rendus, que les usagers soient en sécurité. Est-ce que le pays aussi soit paralysé pour que le gouvernement comprennent le message? Aujourd'hui, je vois une chose, c'est que par toutes les méthodes les plus traditionnelles, voire même institutionnelles, le gouvernement n'entend pas raison. Donc peut-être qu'il y a besoin, peut-être que ce gouvernement ne comprend que le rapport de force. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un électrochoc social. Vous savez, la grève, elle est facile pour personne, ni pour ceux qui la font, qui perdent des jours de salaire, faut quand même le rappeler, ni pour les usagers. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ce soit les usagers qui subissent la grève ou les grévistes, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un coup d'arrêt mis à la politique de ce gouvernement. C'est important de savoir ce que vous visez comme objectif autour du 5 décembre, par une action qui éventuellement paralyse ou en tout cas partie du pays. Déjà le rôle qui est le mien, moi vous avez remarqué ce matin vous n'avez pas invité un responsable syndical, donc moi il ne me revient pas d'organiser la mobilisation et la contestation. Moi je veux l'accompagner parce que j'estime qu'elle est légitime, mais moi mon rôle c'est d'incarner un débouché politique avec mes amis de la France Insoumise, de montrer que nos propositions, parce que tout ça n'est pas une fatalité, on pourrait se regarder les chaussures en disant on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative, mais on sait qu'on peut faire d'autres politiques. Bien évidemment, et si je peux donner quelques conseils, c'est que je vois aujourd'hui que la plupart des luttes sont menées de manière sectorielle. Ça donne un peu l'effet d'un éparpillement, alors qu'en réalité, il y a un socle commun qui est profond entre toutes ces mobilisations, qu'il s'agisse des hospitaliers, des services publics, bref. Et puis ensuite, dire une chose aussi, la mobilisation du 5 décembre peut être un bon point de départ, mais c'est encore une journée en semaine. Moi, je suis sensible au fait qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés à pouvoir se mobiliser en semaine parce qu'ils perdent une journée de salaire et qui disent nous, on est prêts à se mobiliser, y compris sur notre temps libre, pour dire notre mécontentement le week-end. Pourquoi pas penser, de manière, il faudra y aller graduellement, à mon avis, dans la foulée du 5 décembre, une date qui puisse, pourquoi pas, rassembler plus largement que celles et ceux qui ont l'occasion de faire grève. En week-end, c'est ce que vous dites, avec une manifestation massive. À propos de mode d'action, Adrien Quatennens, à la question, est-ce le rôle d'une députée européenne d'encourager à la désobéissance civile, Manon Aubry, élue France Insoumise au Parlement européen, a clairement répondu oui. Elle avait appelé, vous savez, l'association, le mouvement Extinction Rébellion, à occuper le Parlement européen. Donc je vous pose la question, quand on est élu du peuple, est-ce que c'est le rôle d'un député, effectivement, d'appeler à désobéir civilement, c'est-à-dire en fait désobéir aux lois? Alors, il faut préciser les choses. On parle de désobéissance civile, ça veut dire désobéissance en quelque sorte civique non violente. faut le rappeler quand même. Désobéissance civile, c'est remettre en cause la loi. C'est une définition. Non. C'est un mode d'action non violent qui permet d'engager un rapport de force. C'est une arme qui permet. Notre rôle en tant qu'élu. C'est une arme qui permet de contester la loi. Les mots sont un peu forts. Ce qu'il faut dire, en tant que responsable politique, notre rôle, c'est d'abord effectivement de porter finalement l'alternative dans les institutions, et nous le faisons. Mais ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Et vous avez des mouvements dans la société qui sont en train de monter, qui sont des mouvements non violents, et il faut le saluer. Vous avez cité Extinction Rébellion. Vous avez quelques jurisprudences d'ailleurs qui peuvent servir. Vous savez que dans le cas des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu a priori de mairie se plaindre d'avoir été volé du portrait présidentiel qui coûte 8 euros et quelques. Mais néanmoins, vous avez la... Merci pour la précision. Non mais si vous voulez, pour qu'il y ait un vol, en quelque sorte, il faut que quelqu'un soit plein d'un vol. J'ai c'est pas vu qu'il y ait de mairie qui soit plein. Adrien Quatennens, mais vous avez, vous n'utilisez le bon mot. C'est symbolique, voyez. Et la désobéissance que nous appelons de nos voeux, elle est d'abord avant tout symbolique. Et la jurisprudence lyonnaise, attendez juste, je termine de vous répondre, s'il vous plaît. À Lyon, par exemple, il y a un tribunal qui s'est prononcé et qui, concernant les décrocheurs de portraits, a dit, eh bien oui, quand effectivement les revendications apparaissent comme légitimes et que le dialogue entre le peuple et le président est rompu, on peut utiliser, sous couvert de non-violence toujours, d'autres moyens pour se faire entendre. C'est moi, je pense qu'on a toujours marché sur nos deux jambes. Il y a les mobilisations et il y a l'institution. Manon Brie fait les deux aussi au Parlement européen. Mais vous n'auriez pas dit les choses comme elle pour dire faire. Mais bien évidemment, si nous appelons à ce qu'il y ait une forme de désobéissance civique. Moi, je parle de désobéissance civique. Sur l'idée que quand on fait les lois et non violentes, on peut les contester à partir du moment où c'est non violent. C'est le rôle de l'opposition. Agnès Buzyn, ça se discute. C'est aussi le rôle de l'opposition. C'est un débat intéressant. Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Vous étiez d'ailleurs à l'Assemblée nationale hier, vous avez siégé tard, a annoncé des mesures pour l'hôpital. On l'écoute. L'hôpital public est un trésor national. J'ai déjà fait des annonces sur les urgences. Je travaille par ailleurs sur la pluriannualité, sur l'attractivité des carrières, sur la prochaine campagne tarifaire et sur les investissements hospitaliers. Des annonces seront faites dans ce cadre, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. En voilà une bonne nouvelle pour l'hôpital, un sujet que, évidemment, vous surveillez de près, je crois, Adrien Quatennens. Des mesures vont être annoncées dans les jours qui viennent par le gouvernement pour l'hôpital public. Je vous dis, je n'ai aucune confiance. Et je crois que les hospitaliers non plus. Parce que plusieurs fois qu'on nous dit va y avoir des annonces. La réalité, c'est que là, on rentre dans l'examen du budget de la sécurité sociale. Pour moi, c'est un budget d'insécurité sociale qui demande encore 4 milliards de plus d'économies aux hôpitaux. C'est-à-dire que les tableurs Excel, les calculatrices ont remplacé l'humanité qu'il y a lieu de remettre au cœur de l'hôpital. Vous avez un mouvement absolument considérable. Des soignants qui se rendent malades et une situation à l'hôpital et dans la santé qui n'est pas digne d'un grand pays comme la France. Toutes celles et ceux qui m'entendent et qui auront fait l'expérience de l'hôpital... Pourquoi insécurité budgétaire, puisque vous parlez du budget en ce moment? Parce que tout est pris sous le prisme de faire des économies. Alors, faire des économies, ce n'est pas un projet politique en tant que tel. On assume de faire du déficit pour financer les dépenses de santé. S'agissant de la sécurité sociale, par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est un peu technique, je vais essayer d'être court, mais c'est qu'il y a un point de rupture là qui est atteint. Habituellement, lorsque l'État décide de procéder à des exonérations de cotisations sociales et fiscales, eh bien, il compense par son budget le trou créé dans la sécurité sociale. Par exemple, je préfère les augmentations de salaire que la désocialisation. Je préfère qu'on crée de l'emploi plutôt que les heures sup. Mais mettons ça de côté. En tout cas, généralement, quand l'État procède effectivement à une exonération de cotisation, il a toujours compensé. Il y a une loi de 1994. Ouais. Là, Emmanuel Macron dit non, il ne compense pas. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il fait des cadeaux aux Français, dit-il, mais ce sont des cadeaux que les Français payent eux-mêmes. Alors que pour les très riches détenteurs de capitaux, là, il y a de vrais cadeaux sans contrepartie. Le gouvernement, par un article de loi, s'autorise à ne plus compenser une partie du budget de la dans une caisse qui ne lui appartient pas, dans une caisse qui appartient aux salariés, Mais le gouvernement vous dit, Adrien Quatennens, on n'ampute pas les moyens pour la santé, simplement on va faire plus de déficit. Non, ça procède véritablement à une rupture avec ce qu'est la sécurité sociale. C'est une question de principe. Pas qu'une question de principe. Je vous ai dit, Elisabeth Marchoux, on demande encore 4 milliards d'économies. Franchement, quand vous voyez la situation de l'hôpital public, vous croyez que c'est raisonnable? Il y a 50 000 lits qui ont fermé depuis 10 ans. Et jamais les budgets n'ont été à la hauteur de la hausse de charge de soins. L'État finance sur 17 milliards de mesures gilets jaunes, entre guillemets. L'État en finance 14 et 3 sont imputés au budget de la sécurité sociale. Vous avez vu que, y compris l'État, l'État prend sa part. Est-ce que c'est efficace? Vous avez vu ce qui se passe? La vérité, c'est que depuis que M. Macron est au pouvoir, on l'a vu, et il y a des rapports qui l'ont montré la semaine dernière, c'est passé un peu sous les radars. Les inégalités ont augmenté dans ce pays, la pauvreté gagne du terrain. Viendra le temps de remettre les Français en sécurité sociale. Voilà ce que je veux dire. Or, le délitement de l'État républicain auquel participe Emmanuel Macron aggrave la situation. La République en marche, en réalité, je vous le dis, c'est moins de République. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est moins de République. Oui. Le mot de la fin. Merci, Adrien Quatennens, d'avoir été merci ce à vous de m'avoir invité. Sur LCI. Monsieur Juncker, comment ne pas commencer ce bilan sans lister l'interminable liste de scandales d'évasion fiscale qui ont émaillé ces dernières années, les Paradise Papers, les Panama Papers et évidemment les LuxLeaks dont vous avez été un des artisans dans votre propre pays, le Luxembourg, qui n'est toujours d'ailleurs pas un paradis fiscal aux yeux de l'Union européenne. Et pour nous, lutter contre l'évasion fiscale avec vous à la tête de la Commission européenne, et malgré les efforts de certains commissaires qu'il faut saluer ici pour ce mandat, c'était un peu comme si on avait demandé à Monsanto de mettre fin aux pesticides. Votre bilan, Monsieur Juncker, en matière sociale, dont vous avez beaucoup parlé, il reste un raté. Où est passé le salaire minimum européen que vous nous aviez pourtant tant promis ? Votre bilan, Monsieur Juncker, en matière climatique, c'est un réel déni. Vous n'aviez d'ailleurs pas pris d'engagement à ce sujet il y a 5 ans. Et depuis, des traités de libre-échange dont vous vous vantez encore aujourd'hui ont été initiés à l'appel. Votre bilan, Monsieur Juncker, ce ne sont pas ces vies sauvées. Je pense d'abord à ces 16 000 morts en mer Méditerranée qui font peser le sceau de la honte sur une Europe qui a été transformée en forteresse. Votre bilan, Monsieur Juncker, c'est enfin un verrouillage démocratique de l'Europe. Toujours pas de droit d'initiative pour le Parlement, que j'espère la prochaine Commission mènera à bout. Votre adversaire, finalement, c'est un peu l'expression populaire, et vous l'avez dit vous-même, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Eh bien, nous pensons l'exact inverse. Il ne doit pas y avoir de traité européen sans choix démocratique. Au terme de votre mandat, Monsieur Juncker, vous avez finalement servi les marchés et vous ne manquerez pas à nombre de nos peuples et concitoyens européens. Mais comme nous sommes attachés aux droits sociaux, nous vous souhaitons une excellente retraite. Et pour cela, nous avons pour vous un petit cadeau. Pour retourner dans votre paradis fiscal, vos amis les multinationales que vous avez aidés pendant le LuxLeaks vous souhaitent une joyeuse retraite avec ce cadeau. Merci beaucoup. S'il vous plaît, écoutez Madame Mathilde Panot. Même vous, Madame Obonneau. Monsieur le Premier ministre, le président qui vous a nommé est le président des riches. C'est le président des plus fortes baisses d'impôts pour les plus fortunés de notre pays. Les riches le remercient. La France est championne d'Europe des dividendes. Le président des riches, c'est l'ennemi des pauvres. Vous n'êtes pas qu'une équipe au service des banquiers d'affaires. Vous êtes également une machine à fabriquer de la pauvreté en masse. 400 000 nouveaux pauvres en 2018. Si vous saviez ce que vivre avec moins de 1050 euros par mois veut dire, vous n'auriez pas précarisé le droit du travail, exclu 1 million de personnes de l'assurance chômage, ni baissé les APL. Si vous saviez ce que vivre dans la pauvreté veut dire, vous n'auriez pas offert sur un plateau des milliards à ceux qui se gavaient déjà. Si vous saviez ce que vivre dans la pauvreté veut dire, vous n'y auriez pas réprimé avec une violence de bourgeois apeurés le mouvement des Gilets jaunes. Plus de 9 millions de pauvres en France. Et vous osez supprimer l'Observatoire national de la pauvreté. Vous produisez le chaos, mais vous vous refusez à le regarder en face. Regardez-les, entendez-les, ces gens qui vivent dans la misère ou craignent d'y être bientôt confrontés. La pauvreté augmente et les inégalités se creusent. Vous ruinez l'État et détruisez le peu de justice fiscale qui restait dans notre pays. Les riches refusent d'accomplir leur devoir républicain de solidarité nationale. De plus en plus de personnes n'arrivent même plus à manger trois fois par jour, mais la ministre Pénicaud gagne 62 000 euros par an avec votre réforme de l'ISF. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vos politiques sont insupportables pour nos concitoyens, ceux qui sont par votre faute dans la pauvreté, ceux qui pensent avec angoisse au lendemain difficile, et nous tous qui n'avons pas oublié que la France doit être une république sociale. Où est votre sens de la solidarité? Quand donc allez-vous décider de mettre à contribution ceux qui fuient l'impôt? Quand allez-vous redistribuer les richesses? Regardez ce qui se passe au Chili, au Liban, en Algérie et ce qui monte dans le peuple de France. Nous ne vous laisserons pas tranquilles. Merci, Madame Panola. Là, on est à Belfort. C'est la deuxième fois qu'on vient en équipe de la France Insoumise pour participer à une marche de soutien à l'usine et aux travailleurs qui s'y trouvent. Mais il faut bien comprendre qu'il y a d'un côté le problème, en quelque sorte, de l'usine, des conditions sociales dans l'entreprise, etc. Et puis, il y a l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est qu'on continue à produire ces turbines, ici, parce que c'est un savoir-faire qui sera perdu. Déjà, les brevets sont perdus, parce que toute une série de gens qui avaient le pouvoir de le faire ont littéralement vendu Alstom sans aucune raison à General Electric. Sans aucune raison, je veux dire, obligation, la boîte n'était pas en faillite, il n'y avait pas de problème financier de sa gestion. Et dans la fin du vlog, je mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir le film qui a été fait par LCP sur la manière avec laquelle cette entreprise a été, on peut dire, vendue, mais pas au sens commercial du terme, au sens de la trahison. Alors, la trahison de qui? Eh bien, d'abord du patron d'Alstom, de l'époque, qui est toujours patron d'ailleurs, et qui a cédé à la pression des Américains, qui ont fait un chantage sur lui, parce que à l'époque, il y avait déjà trois cadres d'Alstom qui étaient inculpés là-bas aux États-Unis et un qui était en prison pendant 14 mois. Et donc le patron de l'Alstom ne pouvait plus sortir de France sans crainte d'être arrêté quelque part par les Nord-Américains du fait de leur loi d'extraterritorialité. Et tout d'un coup, il a compris le message qui lui était adressé. Et il a donc rencontré le patron de General Electric. General Electric, c'est une boîte qui existe en France depuis déjà pas mal de temps, mais qui s'est spécialisée dans l'achat de concurrents après enquête de la justice des États-Unis d'Amérique. Ils ont acheté 4 boîtes comme ça, qui a grossi leur patrimoine. Donc, ils ont passé un accord. Et l'entreprise Alstom, cette partie-là, Alstom Energy, celle qui fabrique les éoliennes et les turbines, a été vendue aux Nord-Américains. La catastrophe pour nous, elle est terrifiante, parce que non seulement il y a un savoir-faire qui va se perdre, quand l'usine va déménager, si les Américains réussissent à la déménager, mais parce qu'ici, on fabrique un objet typique des temps modernes, qui est une turbine particulière, qui porte un nom, je ne sais plus si c'est Annabelle ou Arabelle, qui est une turbine particulière, qui est une machine qui fait presque 100 mètres de long, et elle peut alimenter 600 000 personnes en électricité. Ça marche au gaz, c'est des réglages au micron qui se font avec cette machine. Mais cette machine et ses déclinaisons, elles équipent les réacteurs nucléaires. Alors qu'on aime ou pas les réacteurs nucléaires, il faut bien comprendre le risque qu'il y a à avoir une pièce centrale du système nucléaire qui est dans la main d'un autre pays. Parce que le jour où il vous dit qu'il n'y a plus de pièces de rechange, vous pouvez fermer la centrale. C'est pareil pour un certain nombre d'équipements stratégiques militaires français. Alors, évidemment, il y a toujours les bonnes âmes pour dire « Non, mais c'est nos alliés, les Américains, ils ne nous feront pas ça, etc. Bon. » La seule fois où ils ont été en état de nous faire quelque chose, c'est quand on a refusé d'aller avec eux pour la Deuxième Guerre du Golfe. Ils ont mis un embargo sur toutes les pièces de rechange qui dépendaient d'entreprises nord-américaines. Et par exemple, les pièces de rechange des catapultes du porte-avions Charles de Gaulle. Bon, les pièces de rechange d'une catapulte, c'est vraiment quelque chose qu'on rechange sans arrêt, hein. Et donc les militaires français savaient qu'ils avaient 6 mois devant eux et qu'au bout de 6 mois, eh ben, il n'y avait plus d'avions qui pouvaient être lancés depuis nos porte-avions. Donc c'est pas une plaisanterie de dire qu'il y a un intérêt national. Et du coup, pour ma part, je considère que ceux qui ont vendu cette entreprise dans ces conditions, c'est-à-dire sous la pression judiciaire des Nord-Américains, parce que c'est le laofer de l'entreprise privée en quelque sorte, la guerre judiciaire dans l'entreprise privée, sont des traîtres. Et ils relèvent du code pénal parce que c'est prévu que ceux qui vendent un intérêt, une entreprise ou quelque chose qui a à voir avec la culture et tout ce qui touche à l'intérêt national sont considérés comme des traîtres et relèvent de ce droit particulier. Donc je pense que si un jour nous finissons par avoir la majorité dans ce pays, nous ferons des enquêtes pour connaître dans le détail l'organisation de cette trahison parce que il y a de fortes présomptions que ce soit tout un noyau d'intérêts concentriques qui s'est fait autour de Macron, qui à l'époque était le ministre en charge de ce dossier, qui d'ailleurs, à peine nommé, a signé l'autorisation de vente dans des conditions qui n'étaient pas celles qui avaient été négociées avant. Donc il y a beaucoup de gens, alors là je cite Macron, parce qu'il est devenu président de la République, mais toutes sortes d'autres gens qui étaient à des postes clés et stratégiques, ont été embauchés par de très grandes entreprises, des banques ou des secteurs extrêmement rémunérateurs nord-américains. On peut donc considérer que c'est une activité coordonnée qu'ils ont eue entre eux pour trahir et vendre tout ça. Moi, c'est pour ça que je suis à Belfort, parce que sinon, qu'est-ce qu'un élu de Marseille fait ici à Belfort pour défendre une entreprise? Je dirais, il y en a d'autres à défendre là-bas dans mon coin. Hein. Mais je suis ici parce que c'est l'intérêt national qui est en cause. Alors ici, on voit... Là, ce lion-là, j'espère que mais ceux qui regardent mes vlogs ont la culture politique suffisante pour savoir que c'est le lion de Belfort qui est un symbole de la résistance des Belfortins qui ont empêché les Allemands d'entrer et de prendre Belfort parce qu'on a perdu à Sedan, mais pas ici à Belfort où la résistance a été totale et où nous avons vaincu les Allemands à 3 reprises puisqu'à chaque fois ils essayent de passer par là. Et qu'ils nous ont envahis 3 fois au cours du siècle dernier. Donc Belfort incarne une résistance absolue. Tout à l'heure, on était sur la place, on voyait les statues des généraux qui ont vaincu les Allemands à chacune de leurs tentatives d'invasion, et il y en a quand même eu beaucoup. Alors lui, donc ça y est, ça m'est revenu. D'enfer, particulièrement. le grand parce qu'il est petit. C'est le maire qui m'a raconté. Le courbe. Parce qu'il est droit. Voilà. Il y a sa statue sur la place centrale de l'Oncle Saunier. Défendit la Haute-Alsace pied à pied contre l'invasion et conserva Belfort à la France. Voilà, tout ça c'est notre histoire commune et le lion de la résistance est là et on voit dessous la grande pancarte soutien à General Electric. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Voilà, c'est le live Facebook. Hein. On est dans les rues de Belfort, il pleut. Ah bah ça. Et c'est la marche de soutien pour sauver l'entreprise qu'on appelait autrefois Alstom Belfort, aujourd'hui vendue dans des conditions lamentables de trahison à l'entreprise américaine General Electric. Alors en ce moment, il y a un accord qui est en négociation. Ça crée un moment un peu tendu entre... Comme c'est bien naturel, hein, parce que chaque fois qu'il y a un accord qui est en cause, bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut le signer ou pas? Franchement, c'est des discussions difficiles à mener. Alors les ouvriers du site vont les avoir lundi matin, parce que c'est lundi matin qui décide et qui vote pour savoir s'ils négocient ou pas. En attendant, nous, notre devoir est d'être là pour les appuyer, mais pas seulement parce qu'ils défendent leur emploi, bien sûr, ça compte. Mais nous, on défend l'intérêt national. C'est-à-dire le fait que les machines dont il est question et que les Américains sont en train de nous voler sont des machines décisives pour l'économie française, sont des turbines. Il y a un savoir-faire ouvrier et il y a des machines qui correspondent à un intérêt national. Donc nous, c'est ça qu'on défend. Parce que si un jour ou l'autre, on en avait besoin, eh bien, les propriétaires de General Electric pourraient décider qu'il n'y a plus de pièces de rechange pour nous ou que tel ou tel produit, on n'a pas le droit de le vendre à d'autres. Thank you. La parole est à monsieur Michel Larive. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, monsieur le Premier ministre, vendredi 18 octobre, une collision s'est produite entre un TER et un camion dans les Ardennes. Il y avait 70 usagers dans ce train. L'accident a fait 11 blessés, dont le conducteur lui-même. L'état du train après l'impact révèle un accident ferroviaire majeur. Le bilan humain aurait pu être bien plus dramatique. Le conducteur du train, seul agent SNCF à bord, a porté secours aux passagers. Blessé à la jambe, il a parcouru 1,5 km à pied pour sécuriser le périmètre de l'accident. Il a déposé sur les voies des agrès de protection parce que le système d'alarme destiné à alerter les autres trains était défaillant, évitant ainsi un suraccident. Cet homme est un héros. On devrait lui décerner la Légion d'honneur. Vous voyez, chers collègues, c'est là qu'il faut se lever pour rendre hommage au courage et à la responsabilité de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, n'était-il pas assez grave cet événement et les conditions suffisantes pour que les cheminots de France fassent valoir leur droit de retrait au nom de la sécurité des concitoyens et des concitoyennes? Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive. Alors, je vous le dis clairement. C'est Larive. Larive. Larive, c'est les trains. La sécurité, c'est la priorité de tous. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui s'en préoccuperaient et de l'autre ceux qui la négligeraient. Alors la sécurité, effectivement, elle est dans l'ADN de tous les cheminots. Et moi, je veux rendre hommage au très grand professionnalisme du conducteur qui a eu les bons réflexes, qui a pris les bonnes dispositions pour assurer la sécurité des voyageurs. Et face à ces enjeux de sécurité, immédiatement, une enquête a été lancée par la direction des audits de sécurité de la SNCF. Immédiatement, nous avons demandé au bureau d'enquête accident dans les transports terrestres également de mener une enquête et nous en tirerons évidemment toutes les leçons comme nous le faisons à chaque fois. Aucun accident n'est jamais pris à la légère. Merci, Monsieur Larive. Oui, Madame, votre réponse ne me satisfait pas. Là comme ailleurs, par votre politique irresponsable de démembrement des services publics et votre laxisme écologique, vous avez dépassé le point de non-retour. Aujourd'hui, partout où ils se trouvent dans leur vie quotidienne, les Françaises et les Français ressentent une insécurité sociale et écologique chronique. Je le répète, ce cheminot est un héros. Avec courage, il a pris ses responsabilités pour assurer la sécurité de ses concitoyennes et ses concitoyens. Je vous demande de faire la même chose, madame. Merci, cher collègue. Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. quitte pas, je t'inventerai de mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui en veulent de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter. Et puis rire, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Salut, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale. C'est la 98e édition de la revue de la semaine. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous plaît, toc des petits pouces bleus, parce que ça encourage. Et si vous découvrez que ça vous intéresse et que vous voulez revoir, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça la restera. Et c'est un moyen d'échange et de, comment je peux dire, d'éducation populaire, c'est prétentieux, hein, de cette revue de la semaine. Allez, allez, hop, le générique. Bon, je commence par parler des événements à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Je récapitule, l'armée turque d'Erdogan est entrée en Syrie pour y massacrer les Kurdes, hein, il faut appeler les choses par leur nom, détruire leurs positions et s'assurer de ce qu'ils appellent, eux, une zone tampon. Ben, la zone tampon, c'est quand même chez le voisin. Donc, premier événement, c'est un pays en a envahi un autre. Et normalement, ce pays, la Syrie, si on considère que c'est toujours un État souverain, pour ma part je le considère, c'est-à-dire un État qui existe, qui a des droits, dont on espère qu'il puisse être, que son peuple puisse être souverain, c'est-à-dire s'exprimer démocratiquement, cet État est placé sous la protection internationale, celle de l'ONU. Bon, alors, normalement, quand on envahit le voisin, la communauté internationale, la seule qui existe, la vraie, l'ONU doit prendre des dispositions pour amener l'envahisseur chez lui. C'est pour ça qu'on a fait l'ONU, hein, c'est pour éviter qu'il y ait des guerres et qu'on passe les frontières comme ça. Alors là, il ne s'est rien passé de semblable, et tout le monde a compris que les Turcs ne sont entrés en Syrie que parce que les Américains ont dit qu'ils s'en allaient et qu'ils riposteraient pas. Alors, il faut toujours se méfier en politique internationale des coups de billard à 12 bandes des uns et des autres. Hein. Donc, mais nonobstant ça, première réaction normale, c'est la protestation, l'indignation et la condamnation. Mais ça, c'est bien, il faut le faire. Puis après, il faut faire quelque chose de concret, parce que ça ne sert strictement à rien de faire des phrases si pendant ce temps-là, les chars, les avions continuent à avancer et à détruire tout ce qui est là. Et nous, les Français, on y a un intérêt particulier. D'abord, c'est qu'il y a là quelque chose comme 800 prisonniers dans lesquels de Daesh, de l'ancienne armée de Daesh, qui sont retenus par les Kurdes, et dedans, il y a une série d'ailleurs de compatriotes hein, qui sont là. Donc non, c'est pas notre intérêt qu'ils repartent dans la nature. Et puis le deuxième, c'est que quand on défend l'inviolabilité des frontières, bon, on la défend partout. On peut pas dire la Russie ne doit pas entrer en Crimée, mais on trouve normal que la Turquie entre en Syrie, et ainsi de suite. Surtout dans cette zone, il faut avoir des principes constants. Quand on est une puissance, si on pense que la France est une puissance, elle doit donc définir une ligne d'action et s'y tenir. et pas en changer tous les 8 jours. Là, hélas, on a encore une fois, on s'est ridiculisé, parce que au deuxième jour de l'attaque des Turcs, ils tapent à un endroit, et à cet endroit, il y a 300 forces spéciales françaises qui sont là. Donc on apprend, enfin, on savait pour un certain nombre d'entre nous, mais la règle, c'est que ça se dit pas. Quand il y a des forces spéciales qui sont là, françaises, ça se dit pas. Au bout d'un moment, il vaut mieux en parler au Parlement. Mais bon, ça, on oublie parce que dorénavant, les présidents de la République font ce qu'ils veulent et considèrent qu'ils déclenchent des guerres comme ils veulent au nom de, en les appelant de différentes manières, des opérations de police, etc. Ils arrivent à contourner les articles de la Constitution qui les obligeraient sinon à faire voter le Parlement. Donc il y a là des forces spéciales françaises. Vous avez compris ce que c'est que les forces spéciales, c'est pas les enfants de cœur qu'on met là. Quand on est membre des forces spéciales, c'est les top niveaux du guerrier. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour qu'ils soient capables de faire une dévastation maximum. Donc les Turcs nous tapent dessus. Et c'est pas par hasard, ils savent très bien qu'on est là. Ça n'existe pas dans des champs de bataille pareils. Le fait on dit, tiens, il y a 300 Français à tel endroit, je n'ai pas au courant. Ça, c'est pas possible. Donc ils savent qu'il y a des Français, ils leur tapent dessus. Et ils n'ont aucune raison de décider si nous devons être là ou pas. Ils ne sont pas chez eux. Là, ce dont on parle, c'est du territoire syrien, pas du territoire turc. Par conséquent, au départ, les militaires français ont fait ce qu'il fallait, ils ont riposté. Mais, enfin, au passage, on a eu morts et blessés. Peut-être qu'on ne saura jamais exactement combien de monde, mais en attendant, ça a eu lieu. Et le gouvernement français a eu comme réponse, ben, nous allons les mettre en sécurité. Et donc, on est parti, en même temps que les Nord-Américains de cet endroit, en abandonnant les Kurdes, aux vengeances des Turcs qui sont venus là pour les tuer tous. Je demande que ceux qui m'écoutent comprennent bien. On n'est pas en train de parler d'un jeu vidéo. On n'est pas en train de parler de relations entre gens de bonne compagnie qui, après avoir mené une lutte dans les règles de l'art, s'arrêtent. Non, on est en face de sauvages, de barbares, de violents. L'armée turque n'entre en Syrie que pour tuer tout le monde dans la partie kurde, parce qu'ils veulent s'en débarrasser une bonne fois. Parce que ces Kurdes-là ne ressemblent pas aux autres non plus. Hein. Ce n'est pas ceux d'Irak. C'est des Kurdes qui sont socialistes, féministes, laïcs, écologistes. Donc pour eux, c'est du venin, cette poche qui est là, cet endroit au Rojava. C'est du venin parce que ça peut être contagieux. Ça peut donner des mauvaises habitudes à tout le monde, et notamment aux Kurdes de Turquie, qui sont très nombreux, et qui pourraient dire, bah, tiens, on va faire comme au Rojava, nous aussi, on va s'organiser d'une manière autonome, laïque, féministe, etc. Et tout ça, M. Erdogan ne peut pas le supporter. Donc il y a une double dimension qui est géopolitique régionale, ce que la Turquie envisage comme sa sécurité, et puis une dimension politique, exterminer un ennemi qui l'encombre. Parce que ça encombre l'état-major turc, et ça encombre M. Erdogan lui-même. Surtout qu'il y a à peine 2 mois de ça, il a perdu les élections à Istanbul, il a perdu les élections à Ankara, et que dans les deux cas, le parti qui a aidé à la défaite d'Erdogan et à la victoire de l'opposition, c'est le HDP, dans lequel les Kurdes de gauche jouent un rôle considérable, évidemment, tout le monde le sait. Donc c'est un règlement de compte politico-territorial qui se prolonge chez le voisin. Et dans ces conditions, il est déplorable qu'après avoir riposté, on ne fasse rien d'autre, nous les Français. Si on est une puissance, si on est le bagage accompagné des Américains, ok, pas de problème, on se tait, on n'existe pas, les Américains sont bons, on s'en va, ils arrivent, on arrive, etc. Mais moi, c'est pas l'idée que je me fais de la place de notre pays dans cette affaire. Notre intérêt est que, d'abord, nous soyons respectés. Problème numéro 1. Si nous avons des forces spéciales, elles sont pas venues là contre l'avis des gens du coin. Elles sont là avec l'accord des Kurdes, qui sont les guerriers dans cette affaire. Et par conséquent, les Turcs n'ont pas à nous faire partir. On a riposté, on aurait dû riposter plus durement pour faire comprendre aux Turcs qu'ils envahissent, mais l'endroit où il y a les Français, personne n'y touche. C'est pas ce qui a été décidé. Et j'ai vu quand j'ai posé ma question à l'Assemblée nationale, vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Bon, le Premier ministre a hésité un peu pour savoir s'il allait polémiquer avec moi ou pas. Et puis il dit bon, vous voulez quand même pas faire la guerre à la Turquie, il faudrait des milliers de soldats, etc. J'ai pas parlé de guerre à la Turquie, mais entre se tailler parce qu'on s'est pris des bombes et faire la guerre à la Turquie, il y a un entre-deux justement. Un entre-deux, c'est de se faire respecter. C'est-à-dire, nous avons été frappés, nous frappons. Voilà, ça s'est fait dans toutes les guerres. À chaque fois que les Français ont été confrontés à des adversaires qui les ont assaillis et agressés, nous avons toujours répliqué. Toujours. Jusqu'à la, la, la phase jusqu'à des périodes extrêmement récentes, il y a quelques années ou il y a quelques mois, on a toujours fait comme ça. Là, pour la première fois, on dit pardon, au revoir, excusez-nous, on s'en va. Voilà. Je trouve ça déplorable pour le respect qui est dû au pays que nous sommes et à nos armes. Voilà. Quand on se comporte comme ça, le coup d'après, on a encore moins craint que le coup d'avant. Et donc, on aggrave le déséquilibre et du rapport de force. C'est une erreur totale qui a été faite là. Et puis après, je vois ce qui s'est passé. Donc, les Américains s'en vont. Les forces spéciales françaises, c'est pas rien, s'en vont. Les Turcs attaquent. Que font les Kurdes, qui sont en Syrie et qui sont des Kurdes syriens et qui ne demandent pas l'indépendance du Rojava par rapport à la Syrie? Ils passent en accord avec l'armée nationale syrienne. Donc l'armée nationale syrienne s'avance et elle va affronter l'armée turque. Avec l'accord des Kurdes et la participation des Kurdes du Rojava. Alors je dis bonne nouvelle parce que l'armée arrive. Et qu'est-ce que je lis, Madame Sophie Aram, sur sur Twitter et d'autres, évidemment, qui jettent dessus, parce que chaque fois qu'il est question de moi, ils évitent de réfléchir, ils aboient en cadence, vous savez, c'est comme dans une rue, il y a un chien qui aboie, tous les autres aboient, ils ne savent pas pourquoi. Ben là, c'est pareil. Dans les médias, il y en a un qui aboie et tous les autres aboient, ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas intéressés à savoir ce que je disais, si ça avait du sens ou si ça n'en avait pas. Ils ont dit, ah, Mélenchon soutient Assad, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était une bonne nouvelle que l'armée syrienne s'avance en face de l'armée turque. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils sont chez eux, c'est la Syrie. Et c'est une bonne chose que les Turcs se prennent une volée s'ils viennent en Syrie. Deuxième raison, parce que c'est une guerre. Et que je ne souhaite pas que les Kurdes du Rojava soient massacrés tous. Voilà. Je ne veux pas de ça. Je pense que l'avenir, la confiance qu'on peut avoir dans l'avenir, ça repose sur le fait qu'ils restent vivants. Donc, qu'ils aient un bon accord avec l'armée syrienne pour rester vivants, rester armés, rester organisés comme ils le sont. Après, ils se débrouillent. Donc, eux ont passé l'accord, et moi, je les approuve. Alors que tel ou tel journaliste de telle ou telle grande radio, tout d'un coup, comme ça, se drape. C'est facile, hein, de faire mourir les autres à sa place. Eh bien, vous avez qu'à y aller. Allez expliquer aux Kurdes. Oui, oui, vous devez mourir. Pas d'accord avec l'armée syrienne. Les Français s'en vont, on n'a rien à dire. Les mêmes qui me critiquent n'ont pas eu un mot de critique pour dire que ce gouvernement était bon à rien, le gouvernement de notre pays, et qu'il nous a humiliés une fois de plus. Non, c'est après moi qu'ils en ont. Alors, comme disait Cyrano de Bergerac, je le répéterai souvent, je ne renonce pas à l'honneur d'être leur cible, surtout quand ce sont des gens qui tiennent des positions intellectuelles aussi coupées de toute réalité, qui ne connaissent rien aux questions de la guerre et aux questions des rapports de force, et qui pérorent depuis leur petit balcon radiophonique pour expliquer comment les autres doivent mourir de manière pure, hein, pour faire plaisir à leur petit schéma boboïde mental. Bon, tout ça est déplorable. Mais heureusement, ça ne compte pour rien dans la situation réelle. En attendant, je pense que nous autres, les Français, il faut maintenant qu'on se détache des Nord-Américains parce qu'on va aller d'une catastrophe à l'autre. C'est avec les Russes qu'il faut parler, c'est eux qui sont dorénavant les maîtres du jeu, y compris dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que ça, on ne vous le décryptera peut-être pas dans les grands médias, mais la vérité, c'est quand même celle-là. C'est que les Russes, après avoir vaincu Daesh, en armant l'armée syrienne et en aidant les forces démocratiques de Syrie à leur façon, maintenant, en aidant l'avancée de l'armée syrienne sur la frontière turque, sont devenus les maîtres du jeu dans cette zone, et ils ont bien travaillé, parce qu'ils ont détruit Daesh, qui était quand même l'ennemi qu'on désignait. Maintenant, j'espère que tout le monde a compris ce que je disais dès le début du conflit, à savoir que la Turquie est complice de Daesh depuis le début. Depuis le début, la Turquie a manipulé Daesh et a manipulé ses groupes, y compris un groupe comme celui qui s'appelle Al-Nostra, dont M. Fabius avait dit « fait une bonne besogne ». Et à l'époque, tout le monde avait trouvé ça génial, sauf moi, qui m'étais immédiatement fait accuser d'être un ennemi du régime, parce que je n'acceptais pas ce genre de commentaires absurdes qui nous mettaient dans une impasse, nous autres Français. Bon, voilà, alors, comme mon sujet, moi, c'est la France, il est normal que je défende mon pays et l'idée que je me fais de ce qu'il doit faire, plutôt que d'être une petite marionnette comme beaucoup d'autres, qui sont les petits porte-voix des puissances étrangères et qui s'enragent toutes seules parce que tout ce qu'ils racontent depuis des mois et des mois et des mois n'a aucun rapport avec la réalité et les événements qui se déroulent là-bas. Voilà, il faut qu'on s'encorde avec les Russes, Deuxièmement, il faut rétablir les relations diplomatiques avec Damas, parce que si on accepte de continuer à avoir des relations diplomatiques avec la Turquie qui nous tape dessus et nous tire dessus, je vois vraiment pas pourquoi on n'en aurait pas avec Damas, pour les mêmes raisons qu'on en maintient avec les Turcs, c'est-à-dire que à partir du moment où on est présent, on discute, on échange, on arrive à comprendre ce qui se passe, et éventuellement on peut peser sur la situation. Une fois de plus, je termine là-dessus sur ce sujet, l'Europe aura brillé par sa nullité, son inefficacité, et pas seulement son inefficacité, sa dangerosité, puisque aussi bien le gouvernement allemand que quelques autres refusaient que dans la résolution des Européens, on condamne l'intervention turque. Hein, il fallait exprimer, de l'indignation, ou comme les États-Unis appelaient à la retenue, hein, tout ça est grotesque, mais en attendant, voilà ce qu'a fait l'Europe, qui bien sûr a, vous le savez, un projet de défense européenne, on se demande ce qu'ils auraient fait dans ce cas-là, rien sans doute, et on a même un service de relations extérieures de l'Union européenne qui existe, qui coûte très cher, où il y a 5000 personnes qui ont été embauchées, et qui ne servent strictement à rien, puisque dans cette circonstance, on n'a même pas rompu les relations diplomatiques, même provisoirement, avec la Turquie. On aurait pu, les 28 pays d'Europe auraient pu retirer leur ambassadeur en Turquie pour montrer la solennité de la protestation, même ce minimum qui coûte pas un euro, ils n'ont pas été capables de le faire. Pourquoi ? Parce que Erdogan, ils lui ont donné un bâton pour taper sur la tête de tous les Européens. C'est que, à chaque étape, il les menace, il dit, puisque c'est comme ça, si vous m'embêtez, je laisse passer les réfugiés et ils sont pour vous. Et voilà comment deux stupidités s'enchaînent. Un, une peur bleue des marées de réfugiés, se combinant avec une lâcheté absolument répugnante à l'égard d'un régime islamiste dont le journal Le Monde avait dit que c'était un islamisme modéré. Hein, voilà. Maintenant, vous avez vu ce que c'est qu'un fascisme modéré. Ben, c'est exactement comme un fascisme qui n'est pas modéré, c'est du fascisme. Monsieur Erdogan a imposé une manière de faire, alors qu'il est perdant dans son pays électoralement, alors qu'il devrait être isolé sur la scène internationale. La cerise sur le gâteau, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, que la France aussi participe même, apparaît-il, à un commandement intégré. Ça sonne bien, ça, hein ? Il y a un commandement qui est intégré, alors on est là, on calcule tout, et on calcule tellement bien qu'il y en a un qui peut tirer sur l'autre, sans crier gare, il peut envahir un pays voisin, qu'on ne me dise pas que c'est par surprise, parce que c'est impossible de masser sur des frontières des quantités pareilles de matériel sans que les États-Unis d'Amérique et la France, qui disposent des moyens depuis l'espace de surveiller les frontières, ne l'aient su. Donc ils l'ont su, et c'est de propos délibérés qu'ils ont décidé de ne rien faire. Ce qui veut dire que la gesticulation que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les cris, les protestations et tout ça, c'est du pipeau, du bidon d'un bout à l'autre. Leur objectif, c'était de reprendre le contrôle sur cette frontière et d'en dégager les Kurdes qui s'y trouvent avec le régime démocratique qui est le leur à cet endroit-là. Bon, sujet suivant. Bon, comme c'est une revue de la semaine qui parle de choses qui sont plutôt violentes, je vais embrayer, moi, sur les violences policières dans notre pays. Vous savez que ça fait un moment que je dis qu'il faut remettre tout à plat les doctrines d'emploi de la police. Franchement, ça devient de plus en plus nécessaire. Pourquoi ? Parce que l'autorité de la police, il n'y a pas de société sans police, ça n'existe pas. Hein ? Bon, donc il faut une police qui corresponde à ce que la société accepte. C'est pas l'inverse. Hein ? Bon, quand c'est l'inverse, ça s'appelle une dictature. Ben, c'est la force qui s'impose à l'opinion. Quand c'est une démocratie, ben, c'est les gens qui acceptent qu'il y ait une force qui les représente tous et qui donne le dernier mot à la loi. Donc la façon d'utiliser cette force a une très grande importance. C'est pas un à côté, c'est central. On ne peut pas dissocier le moyen, la force en question, des fins, la sûreté collective, la paix préservée, la sérénité, etc. Or, depuis Macron, et avant ça avait commencé sous Hollande, mais c'était un peu moins violent, il y a une doctrine d'emploi de la police qui est une doctrine d'emploi hyper violente. On fait des nassages, on tire un maximum de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement, c'est d'une violence totale, on enferme les gens, si on peut on les pousse à faire pour se défendre ou pour sortir des violences qui permet de les condamner ensuite très lourdement. Il y a donc une volonté d'utiliser la police de cette façon. Alors je ne reprends pas toute l'analyse que j'ai déjà fait devant cette caméra de la façon avec laquelle les rapports de commandement à l'intérieur de la police sont complètement désagrégés à partir du moment où les politiques ont pu assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire où les ministres n'ont plus endossé la responsabilité des actes et ont dit « Ah ben ça, voyez la police, c'est de leur faute ». À partir de là, c'est parti en débandade de tous les côtés et on n'est pas sûr que vraiment tout soit vraiment contrôlé. En attendant, ça donne des résultats de plus en plus dérangeants, de plus en plus glauques. Alors on a vu qu'il y avait un service de police chargé de dépister les éventuels terroristes religieux qui était lui-même infiltré par, on nous a dit, hein, maintenant c'est pas prouvé, mais en tout cas on nous l'a présenté comme ça, par une des personnes qu'il était censé surveiller. C'est quand même un signe d'affaiblissement absolument grotesque d'un secteur clé de la police. Ensuite on a vu l'arrestation à grand tambour et trompette, de quelqu'un qu'on recherchait pendant des années, capturé en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus où. Aussitôt, le communiqué du ministre et tout, nous suivons ces affaires sérieusement depuis des années, je ne suivais rien du tout. Ils avaient eu un signalement, et comme ils ont été incapables d'attraper le type à la frontière française, hein, il n'a déjà pas trop l'air malin, ils ont attendu qu'il se fasse capturer à l'arrivée. Et après avoir battu le tam-tam comme ça, il a bien fallu reconnaître que non, c'était pas la personne qui recherchait, donc un ridicule total et international une fois de plus. Mais qui interroge, comment peut-on avoir des services de police à ce point nuls, qui sont incapables de savoir qui est vraiment la personne dont on parle, qui sont pas capables d'avoir des relations avec leurs collègues suffisamment étroites et efficaces pour aller sur place vérifier que le type c'est bien le bon et pas un autre, pas simplement s'en remettre à leurs collègues. Bon, ils ont été donc ridicules et plutôt incapables. Enfin, pour faire des perquises chez moi, oui, ça marche, c'est facile. Mais pour faire des choses un peu plus compliquées, apparemment, donc il y a un problème dans l'organisation de la police. Et puis, je termine sur un cas tragique, c'est la mort du jeune Ibrahima. Voilà un garçon qui est sur une moto. On apprend que à un contrôle de police, il est mort, il est allé. Il s'est jeté dans un poteau parce qu'il voulait fuir. Ça c'est ce qu'on nous raconte. Quelques heures après, on nous dit qu'il avait volé la moto. Donc, dans l'opinion, les gens disent bon, c'est encore un gars pas clair, etc. Et puis, pas de peau pour ceux qui ont fait ça. Ben, c'est pas vrai. Tout est faux. D'abord, il ne s'est pas enfui. C'est eux qui ont mis le fourgon de police en travers de la route. Et d'une manière telle que pour les éviter, pour ne pas leur rentrer dedans, ce malheureux garçon est sorti de la route. Et s'est écrasé contre un poteau. Et il n'a jamais volé de moto, c'était la sienne. Et c'est pas du tout un petit malfrat, c'est un garçon sérieux, qui a un beau BTS, c'est-à-dire Bac plus 2, hein. J'espère que dans la camionnette, tout le monde aussi avait Bac plus 2. Bac plus 2, un BTS, c'est un brevet de technicien supérieur, c'est quand même, c'est la classe, hein, dans les diplômes post-bac. Hein. Donc un garçon sérieux, et qu'est-ce qui s'est passé? Des mensonges et rien. C'est-à-dire que, pour finir, une enquête a été décidée, mais aucun procureur n'a été nommé. Si bien que la famille n'a accès à rien. Aucun procureur n'est nommé, aucun juge d'instruction. Donc la famille ne peut pas voir les films de la vidéosurveillance, ne peut pas voir les procès-verbaux, etc. Parce que la loi, c'est la loi, ça se passe comme ça. Et vraiment, au moment où on a porté en terre ce malheureux garçon, il y avait notre camarade Éric Coquerel, le député de Seine-Saint-Denis, qui nous représentait, et il nous a raconté à quel point c'était émouvant d'entendre le frère aîné dire « mon frère avait le droit de participer à la construction de la France ». Et voilà, moi, ce que je voudrais dire. J'en ai assez qu'on maltraite une partie de la population, parce que aux yeux de quelques gens, d'ailleurs discutables, ils ne leur conviennent pas. Il y en a assez. C'est une basse besogne qui est faite là. Ça discrédite l'autorité, ça discrédite la police, ça discrédite la justice, des comportements pareils, aussi méprisants à l'égard des gens et à la fin aussi violents. C'est pas comme ça qu'on va faire la France. Hein. S'ils croient que c'est en remuant leurs gros bras et en mettant des camionnettes en travers de la route qu'on va faire respecter la police, s'ils croient que c'est en refusant de nommer des juges d'instruction qu'on va faire respecter la justice, ben ils se trompent et ils font pas leur travail. Hein. Et il faut qu'il y ait des gens qui puissent le leur reprocher. Alors bon, moi maintenant, au point où j'en suis de les avoir tous sur le dos, je peux le faire. Je reste une des dernières voix libres qu'il y a de gens qui osent dire franchement et ouvertement ce qu'ils pensent. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc, tâchez de faire en sorte qu'ils ne me fassent pas fermer ma bouche, parce qu'après, c'est fini, vous n'aurez plus que le silence du bocal à poisson rouge, hein, avec une mémoire qui dure 3 secondes, comme ça tout le monde oublie que la semaine d'avant on a eu des violences, que la semaine d'après il y en a eu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, on a vu un spectacle incroyable. Les pompiers qui viennent, alors les pompiers tout le monde les connaît, tout le monde en a besoin, tout le monde les aime bien, ils prennent des risques les gars, souvent, il y en a qui laissent leur peau, donc on a plutôt tendance tous à les respecter. Ils font une manif, que décide le grandiose ministre Castaner et son bras armé, monsieur Didier Lallemand, préfet de police de Paris, bam, la matraque. Allez, c'est reparti, comme les écolos, comme les gilets jaunes, la NAS, les grenades de désencerclement, les gaz lacrymo, encore et encore, allez, boum, boum, boum, boum, ils sont contents, là. Alors, ils tabassent des pompiers, voilà où on en est. Alors là, bon, ça finit par troubler, quoi. Moi, on ne pouvait pas sortir de l'Assemblée. Quand j'ai voulu sortir, les portes étaient fermées. Je voulais à leur rencontre. Alors, les copains, ils sont allés. Je crois qu'il y avait Coquerel, Prudhomme, Corbière, et aussi Caroline Fiat et Clémentine Autain qui sont sortis. Alors, tantôt place de la République, tantôt juste devant l'Assemblée. Quand j'ai voulu sortir, c'est pas possible, tout était fermé. Bon, donc, j'ai vu ça de loin, mais Corbière me racontait, il me disait, écoute, c'est terrible, il y avait un pompier qui pleurait, pas à cause des lacrymos, hein. Il pleurait de chagrin, en disant, jamais j'aurais cru que les policiers étaient capables de nous traiter comme ça. Hein. Parce qu'ils sont collègues, souvent, ils sont ensemble. Quand il y a les pompiers, il y a aussi les policiers, souvent, des fois, pour une raison ou pour une autre. Hein. Donc, c'est souvent des gens qui bossent ensemble. Faut pas croire que la police passe son temps seulement à réprimer sauvagement des manifestations, qui font des ou à faire des barrages surprises qui tuent des gens. Non, ils font des tas d'autres trucs comme ça dans la vie de tous les jours qui sont utiles et dont on est bien content qu'ils les fassent. Alors, bon, là, vraiment, les... Et puis, il y a tous les Français qui ont vu ça. Hein? Bon, du coup, ça réfléchit. Alors, quand même, hein, Mélenchon, il dit pas que des bêtises. C'est quand même pas des méthodes acceptables, tout ça. Hein? Alors, ça travaille dans la tête des gens. Ben, c'est dommage parce que ça travaille et les gens comprennent qu'on peut pas respecter une force qui n'a pas des procédés respectables. Voilà. C'est pas de ma faute, je le regrette, mais ils sont en train de miner l'autorité ou le consentement à l'autorité de la police, parce que les gens finissent par avoir peur quand ils les voient. C'est pas normal qu'on ait peur de... Je connais des pays hein, où on a peur quand on voit passer des policiers, on change de trottoir, voilà. Ben, pas la France, quoi. C'est pas la France, on a jamais vécu comme ça. Faut pas vivre comme ça, c'est pas une bonne idée. Alors bon, j'ai vu que là, quand même, dans la police, il y a quand même des gens qui ont réagi en disant « Non, ça va trop loin, nous, on n'est pas d'accord pour faire ça. Hein. » Alors, bon, bah, je regrette qu'ils manifestent pas le reste du temps, qu'ils sont pas d'accord. Parce que normalement, ils devraient pas être d'accord non plus pour éborgner les gens, ni pour leur tirer des grenades de désencerclement, etc. Donc je pense, j'espère qu'il y aura un sursaut dans la police, un sursaut républicain, de gens disant, ça suffit maintenant, on veut pas être utilisé comme ça. Hein, et qu'il y ait un sursaut, parce qu'il y a plein de policiers qui sont des bons républicains, qui sont pas d'accord avec ces façons de faire. En plus, ils m'envoient des messages à moi, qui suis présenté par... leur syndicat d'extrême droite comme le personnage à montrer du doigt sans arrêt. Il y a plein de policiers qui sont pas d'accord avec ça, qui disent « Mais moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Mélenchon, vous avez raison, c'est pas comme ça qu'il faut utiliser la police. » Parce que ces gens comme moi, ils ont connu une autre police. Hein. Moi, j'ai connu une police où le chef des syndicalistes, appelé Bernard Delplace, avait fait une intervention à la télé en disant « Un policier qui frappe un homme à terre se déshonore. » C'était ça la police républicaine avant. Les gars, ils réfléchissaient à ce qu'ils faisaient. Hein. Bon, voilà. Je voulais vous raconter ça parce que ça nous a fait de la peine à tous de voir comment les pompiers ont été maltraités ce jour-là. Bon, écoutez, je voulais vous parler de l'ambiance qui règne dans le pays avec l'histoire là, de cette maman voilée qui était au conseil régional, qui s'est fait agresser par des élus du Rassemblement national. Je cherche un endroit où pouvoir le faire en ayant le temps d'expliquer, de présenter mes arguments tranquillement, sans qu'on me coupe la parole sans arrêt, ou qu'on me provoque avec, vous savez, les phrases pour les petites cervelles, là, il faut que ça tienne en 4 mots, et qui font que jeter de l'huile sur le feu. Moi, je suis inquiet pour l'unité du peuple français. Je trouve que c'est une ambiance épouvantable. Et que, souvent, sous prétexte d'une laïcité qui n'a rien à voir avec la laïcité, hein, parce que la laïcité, c'est juste la séparation des églises et de l'État. et le refus de voir la religion entrer en politique et la politique en religion, donc ça c'est assez simple, hein. À Magnan, on se sert de ça pour montrer du doigt et pousser à la haine des musulmans dans notre pays, parce qu'il faut arrêter, c'est tout vrai, c'est des prétextes. C'est juste pour les montrer du doigt, et moi je ne le supporte pas. Je pense, comme beaucoup de monde, je ne le supporte pas. Je pense que l'unité du peuple français, ça passe par le fait qu'on respecte la loi, et la loi, elle interdit pas de se mettre un voile sur la tête. Et je vais dire à tous les gros malins que s'ils mettent le doigt dans un engrenage pareil, ils pourront au moins lire les bouquins pour savoir comment ça s'est passé dans les endroits où on a essayé d'extirper la religion de force. Hein. Ça n'a jamais marché, on ne peut pas enlever la foi du cœur des gens, c'est impossible. Regardez, ils ont essayé de le faire dans tout l'ex-camp socialiste, le jour où ça s'est effondré, derrière, qu'est-ce qui est revenu? Pouf, la religion. C'est le cas en Russie. Bon. Et puis nous, les Français, 3 siècles de guerre civile, le roi de France, il a abrogé l'édit de Nantes, il a envoyé des dragons chez les gens, chez les protestants, pour les convertir de force, à la maison. Ça a donné quoi? Rien. De la misère, de la violence, de la guerre civile, c'est tout ce que ça donne. Donc il faut bien comprendre qu'on a une responsabilité. D'abord et avant tout, garantir l'unité, l'indivisibilité de la République, c'est-à-dire du peuple français, de tous ceux qui vivent ici, voilà. Donc ceux qui tout d'un coup ont inventé une loi d'après laquelle on n'avait pas le droit de porter un voile sur la tête dans la rue, ou quand on accompagne des enfants, si vous voulez que personne ne porte de voile ni de signe religieux, bah payez des profs, et vous aurez des gens qui n'ont pas de voile ni de signe religieux. Mais si vous voulez pas payer des profs, bah c'est les parents, et les parents ils sont comme ils sont, et vous devez les respecter. Voilà. Hein? Mais celui qui veut aller courir derrière les voiles pour les arracher, derrière les kippas pour les enlever, et derrière les croix qui est autour du cou, ben il lève la main. Il nous montre, il nous dit, ben voilà, je vais le faire. Qui est-ce qui va faire? Qui est-ce qui va avoir un comportement aussi ridicule? Vous avez une idée de l'engrenage dans lequel vous allez? Vous pouvez pas foutre la paix aux gens? Qu'est-ce qui va se passer? Alors des gosses vont, puis il y a quelqu'un qui a un voile sur la tête. Peut-être qu'il y a un gosse qui va dire, pourquoi elle met un voile sur la tête? Ben parce qu'elle est musulmane et qu'elle croit que c'est bien. Ah bon? Eh ben oui, voilà. T'apprends quelque chose, mon gamin. Et pourquoi il a un petit chapeau sur la tête? Eh ben parce qu'il est juif et qu'il trouve que c'est bien et que c'est dans sa religion qu'il est dit qu'il faut toujours porter un chapeau sur la tête. Et pourquoi le chrétien, il a une croix autour du cou? Ben demande-lui. Parce que, bon, il pense que c'est bien, ça affiche. Voilà, ça va, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il n'y a pas besoin d'en faire des histoires terribles à s'affronter les uns contre les autres. Vous avez vu où on en est? Vous avez des types qui disent à la télé, je vais les musulmans, mais imaginez-vous qu'il dit, je vais les juifs, il ira en prison immédiatement. C'est pas acceptable. Où on va comme ça? Bon, moi j'ai besoin d'espace, d'endroit où expliquer ça. Je vais bien finir par trouver un endroit pour le faire, hein. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être ça. Et je veux pas participer à, vous savez, en vous tendant un micro, puis en 2 secondes, il faut en 4 mots répondre, et après, moi, j'ai toute la meute sur le dos, parce que j'ai pas dit tel mot, j'ai pas prononcé tel mantra, sacré, ou bien j'ai utilisé tel mot qui ne convient pas à tel ou tel. Voilà. Moi, je suis pour l'unité, l'indivisibilité de la République et la laïcité, telle que la loi la décrit. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Et je suis absolument opposé au fait qu'on montre du doigt les musulmans. Voilà, je le dis bien clairement et en vous regardant en face. J'en ai assez qu'on montre du doigt les gens en fonction de leur religion, que ce soit les musulmans, les juifs ou les catholiques ou les protestants ou qui vous voulez. Voilà, si on entre dans cette logique, on n'en finira plus. Ça va être la guerre civile permanente. Alors que, bon, les croyants, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur foute la paix, qu'on leur laisse faire leur religion tranquille, parce que la plupart d'entre eux embêtent personne. Voilà. Et puis la plupart d'entre nous n'ont aucune religion. Donc ils sont un peu saoulés d'être obligés de parler ça du matin au soir. Hein. Voilà, chacun fait comme il le sent et se débrouille avec sa conscience. Allez, si ça vous a plu, allez, vous pouvez vous abonner, ça nous fait plaisir. Au revoir.